Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 1. Cinquième saison donc, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Cette adresse vous permet de nous poser des questions, de nous faire parvenir des courriers des lecteurs, des réactions éventuellement, de nous faire parvenir aussi des liens vers des articles ou des informations. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette adresse. Je procède maintenant à la présentation de nos membres de cette semaine. Je commence avec Pierrot. Comment vas-tu, cher Pierrot ? Salut Gandalf, salut tout le monde, bah écoute, je vais très bien. Comment vas-tu mon cher Gandalf ? Ça va bien et j'en profite pour te souhaiter une bonne année 2020. Bonne année à tout le monde. Voilà, et j'espère que ce sera une année avec moins de juifs. Moins d'arabes, aussi, moins de nègres peut-être, moins de PD aussi. Hein. La liste est longue, hein, Alors, j'enchaîne avec Fulbert qui nous fait le plaisir d'être présent cette semaine. Salut Fulbert, bonne année Fulbert. Eh, bonne année à tous aussi, Gandalf, bonne année à tous, et attendons d'être en meilleur. C'est ça, attendons d'être en meilleur. Et enfin, sous réserve peut-être de la venue d'un autre membre durant l'émission, Derek. Bonne année à toi, Derek. Je sais maintenant que ton autorité spirituelle est solidement établie, on peut bien le dire, puisque l'année 2019 aura été quand même l'année de ta, de ta chair, hein, de ton magistère. Oui, bonne année Gandalf, bonne année à tous. Effectivement, l'année a été marquée par l'explosion du marron, hein, absolument partout, et le siège étant bien entendu la France, hein, le vecteur universel, la transmission. Oui, le vecteur de la transmission de la pourriture dans le monde et bien entendu la France. Pas uniquement, mais c'est en tout cas parmi un des. Ah, disons que le nègre en tout cas passe par la France. Oui, effectivement, oui. D'autres trucs, mais oui. Très certainement. Alors, messieurs, je dois citer les donateurs qui nous ont soutenus. Cette semaine, on a au moins un don, du moins un donateur qui s'est manifesté, donc je lis son courrier. Chère équipe de Démocratie Participative, je vous souhaite une bonne année et vous fais mon premier don Monero. Ça aura été laborieux à effectuer. Mais au moins, je sais comment faire à présent. Comme quoi, notre émission favorite nous forme même à l'utilisation des nouvelles technologies. Si possible, j'aimerais confirmation que vous avez bien reçu le don. Bah, c'est le cas. Je vous souhaite le meilleur pour 2020, en particulier l'érudit Gandalf. Peut-être un petit peu exagéré comme titre, mais enfin, hein, ça fait toujours plaisir. Que je veux comme dictateur. Bon, écoutez. Et au cardinal Derek, dont les interventions, bien que très drôles, sont toujours percutantes. Par leur pertinence. Si Kyle à la venue d'une nouvelle aube, et c'est Céphandrius qui nous encourage et nous soutient. On remercie beaucoup Céphandrius. Messieurs, sans transition aucune, on passe à la première rubrique de notre émission, courrier des lecteurs. Assez consistante cette semaine, j'ai trois courriers quand même bien épais. Le premier courrier. Chers démocrates participatifs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le soutien psychologique et la formation intellectuelle que vous m'avez assuré sans faillir depuis de nombreuses années. Alors, je ne sais pas si on fournit une formation intellectuelle, c'est peut-être exagéré, mais disons qu'on stimule le questionnement personnel. Hein. Ça, au moins, on peut le dire. Grâce à vous, je suis devenu une bête immonde d'appellation origine contrôlée. Mes détracteurs, face à la violence aussi pertinente qu'impertinente de nos arguments, n'emmènent pas large. J'ai pu convaincre un grand nombre de connaissances. Je considère la victoire idéologique comme totale et le travail accompli lorsque ces personnes écoutent démocratie participative de manière hebdomadaire. C'est bien la moindre des choses que de vous renvoyer l'ascenseur et je considère votre émission comme la meilleure formation politique pour l'élite raciale d'aujourd'hui et de demain. Bon. Ça fait toujours plaisir, mais bon, je veux croire quand même qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui aident à aller dans la bonne direction, disons. Alors, je vous écris depuis le bocage vendéen pour vous faire un compte rendu de la situation locale, politique et démographique. Oui, alors ça correspond à un appel que j'avais lancé dans une émission précédente. Vous savez, on s'était intéressé un peu à la région de Lyon et j'avais dit, je serais bien curieux et peut-être que nos éditeurs aussi seraient curieux de savoir qu'est-ce qui se passe sur la côte atlantique, hein, donc du Pays Basque jusqu'à... Bon, la côte atlantique, ça peut remonter plus haut que la Bretagne même, mais vers la Vendée même. Pas la Vendée, la Normandie. Mais je pensais plutôt à ce qu'il y avait entre Biarritz et Nantes, en fait. Voilà. Donc, la réponse est arrivée. Je suis venu m'installer donc en Vendée, hein, dans ce secteur rural, il y a quelques années, fuyant l'Île-de-France, devenue insupportable par son taux de négrification. Le Bocage Vendéen compte trois villes de plus de 10 000 habitants, Chantonnay, Les Herbiers et La Châtaigneraie. Le reste du secteur est composé de villages et de bourgs, dépassant rarement les 2 000 habitants. Nous avons le plein emploi, avec le taux de chômage le plus bas de France. De par ce fait, nous n'avons pas de zone de non-droit ethnique et une population homogène. Les calvaires sont à chaque carrefour, de prime abord, on pourrait croire au paradis blanc. Si parmi les anciens à huis clos, on a le plaisir de trouver un grand nombre de racistes convaincus, ce n'est cependant pas le cas de la jeunesse, totalement endoctrinée par les médias et l'éducation nationale. Les associations pro-migrants sont hyperactives, avec une propagande principalement ciblée vers les écoles primaires. Endoctriner les gosses des autres est un véritable passe-temps pour ces boomers bolcheviques. Donc associatifs. Hein. Les milieux paroissiaux, encadrés par des curés, aussi sénile que niais, sont totalement endoctrinés par la négrolatrie du 1er janvier au 31 décembre. Ils ne font que vendre du migrant dans leurs homélies. J'ai appris par des acteurs politiques locaux que 90% des migrants arrivaient via les curés de la ville des Essarts. C'est une catastrophe. Il faut absolument recadrer ces traîtres grabataires. Petit exemple concret, l'an passé, pour jeudi saint, première messe suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, je me suis retrouvé par hasard dans une petite paroisse locale. Le curé 68ard n'a pas eu un mot pour la cathédrale, son sermon portait exclusivement sur l'accueil des migrants. Pire, lors de la consécration du pain, ne le voyant pas même remuer les lèvres pour prononcer les paroles sacrées, je le regardais bras croisés d'un air courroucé. Croisant son regard, il s'est repris d'un air coupable et a bien dit les paroles à haute voix pour la consécration du vin. Cela peut paraître anecdotique aux yeux d'un profane, mais pour un croyant authentique, l'adjectif profanatoire correspond parfaitement à cette mascarade. Ce sale type profane en effet la religion, le patrimoine et la race du peuple de France en toute impunité, c'est intolérable. Ce qui est le plus choquant dans cette affaire reste l'engourdissement mental et l'aveuglement des paroissiens dont pas un seul ne protestera. La Vendée légendaire, mythique, peuplée de catholiques chevronnés, prêts à crever pour le maintien de leur religion et de leur tradition, est quasiment morte dès que l'on sort de l'enceinte du parc du Puy-du-Fou. La télé aura réussi à tuer l'âme de la Vendée plus efficacement qu'un génocide ou que l'endoctrinement, républicain de Jules Ferry. Autre exemple. Au spectacle de Noël de l'école privée catholique du coin, cette année, nous avons eu droit à 10 chants dansés pour 5 classes, 8 chansons sur l'Afrique, les migrants et tout ce qui s'ensuit, une chanson tournant le Père Noël en dérision et pour finir un chant comique des années 60, qui fut la chanson la plus ovationnée, maigre consolation s'il en est. Le plus dur dans cette soirée fut d'observer le comportement des parents, niais au possible, reprenant les refrains à tue-tête et filmant avec fierté leur enfant dressé en chimpanzé pour l'occasion. Vraiment désespérant de voir un public blanc à 100% se vautrer dans l'obscénité d'un spectacle nègre. Ces abrutis ne mesurent absolument pas la chance de vivre entre blancs, d'entendre bonjour, merci, au revoir au quotidien, de pouvoir sortir de chez eux en toute sécurité. En tant qu'observateur démocrate, j'ai atteint un niveau de haine indescriptible à l'égard des boomers et des professeurs de l'éducation nationale. Ces vieux à barbichette et lunettes rondes, accompagnés de leurs grognasses à cheveux courts, méritent... Je ne peux pas tout citer, car là aussi, ce serait... probablement, ça, on violerait les conventions de Genève. Hein, donc, voilà. Donc il faudra les châtier sévèrement le jour venu. Nous trouvons également dans les écoles des boomers qui interviennent au nom d'associations subventionnées annuellement dans chaque école autour du thème de l'Afrique. C'est un véritable lavage de cerveau subi par les enfants. J'ai pu constater l'efficacité de cette propagande qui avait atteint aussi les parents dans une famille de ma connaissance. Les voir pleurer à chaudes larmes, des trémolos dans la voix à propos du sort de migrants alors que ce sont des gens totalement apolitiques. C'est une victoire indéniable de nos ennemis politiques sur ces faibles d'esprit. Le pire est que l'on paye cette propagande de nos impôts. On a pu aussi voir une famille tchétchène s'incruster quelques années dans un village. Tous les acteurs locaux se sont pliés en quatre pour leur trouver un logement, de l'argent gratuit, une voiture. On fait barrage pour empêcher leur expulsion. J'ai quelques infos croustillantes car j'ai pu rencontrer l'interprète russe au cœur du dossier. De la femme du maire se roulant par terre en chialant totalement hystérique au conseil général, à la directrice d'école qui convoquait les parents des élèves, qui osaient répondre fièrement par l'insulte lorsqu'ils se faisaient traiter de sale porc par les filles de ce tchétchène parasite. C'est allé très loin. L'équipe enseignante est allée jusqu'à influencer le vote des gosses pour l'élection du conseil municipal des enfants. En effet, ces gauchistes comptaient là-dessus comme preuve d'intégration pour appuyer le dossier de régularisation de ces sans-papiers. Je cite... Si vous ne votez pas pour eux, c'est comme si vous les condamniez à mort, car ils devront rentrer dans leur pays. Le Tchétchène faisait semblant de ne pas comprendre un mot de français afin de se victimiser et de gratter le plus d'aide possible. On a pu constater que la consommation du logement en fioul a été multipliée par 6 avant de réaliser qu'il le revendait sous le manteau à ses copains bougnoules. Pour finir, au bout de 3 ans, après lui avoir trouvé un travail en CDI, l'équipe qui s'occupait de cet escroc a osé lui retirer une partie de ses aides financières. Cette famille a pété un boulon, insulté tous leurs bienfaiteurs de racistes, dégradé volontairement le logement, allant jusqu'à le laisser joncher d'étron et déménager vers l'Alsace, région où lui trouver un emploi serait plus difficile à ses prochains pigeons gauchistes pro-migrants. Cette humiliation profonde n'a aucunement changé les idées ni les conceptions de cette équipe de traîtres à la race qui tient la mairie et les associations locales. Autre phénomène récurrent, le nombre de mâles boomers divorcés qui, en mal de sexe, vont chercher en Afrique une jeune négresse et l'épouse pour la ramener en France. Ils n'ont aucune honte. J'ai vu un vieux satyre de 75 ans se marier avec une négresse de 22 ans, lui clamer haut et fort qu'il faisait ainsi la charité en la sauvant de la famine. Je n'ai jamais vu personne lui dire la vérité, à savoir que la nutrition à base de chibres n'était pas un programme alimentaire qualifié d'humanitaire. Ces vieux esclavagistes sexuels ont cependant un retour de bâton amer, 2 ans après leur mariage. En effet, une fois la période d'annulation pour mariage blanc passée, la soubrette négresse se transforme aussitôt en mégère dominatrice, et ces vieux cons finissent systématiquement la bite derrière l'oreille à faire le ménage et la vaisselle sous les insultes et les cris de leur ancienne soumise. Autre aspect honteux de ce comportement libidineux, c'est qu'en épousant n'importe qui, ils déshéritent 50% au profit d'une gamine du même âge, leurs enfants de leur premier mariage. Ça fait cher la passe. Vous avez aussi le phénomène de la jeunette qui part à Nantes faire ses études et nous revient avec un polichi nègre dans le tiroir. Au lieu de renier la traîtresse et de la chasser du village à coups de batte, comme le ferait n'importe quel Algérien normalement constitué, la réaction de l'entourage est systématiquement la même, à savoir s'émouvoir devant le négrillon et l'accepter comme l'un des leurs. Le drame, à chaque fois, c'est qu'une fois ce fait accepté, c'est toute une famille qui devient définitivement antiraciste et qui considérera que vous voulez tuer leur négrito fétiche si vous osez prononcer devant eux ne serait-ce que le nom de Marine Le Pen. C'est dramatique. Laissez faire ces cons une demi-douzaine d'années et ils auront définitivement flingué leur secteur. Je lance donc un appel aux démocrates qui pensent au white flight, mais qui souhaitent rester en France, ne pas fuir vers l'Est. Venez vite en Vendée. Il suffit d'une vingtaine des nôtres par village pour prendre le contrôle des associations et par effet de cascade des mairies. Nous devons notamment absolument reprendre le contrôle des associations de parents d'élèves et des conseils paroissiaux. L'idée est de rester discret jusqu'à devenir majoritaire et ensuite imposer nos vues le plus démocratiquement possible, bien entendu. L'immobilier est plus qu'abordable, nous avons le plein emploi, nous sommes encore dans une zone ethniquement blanche, et je crois sincèrement que c'est le meilleur endroit de tout le pays pour nous rassembler avant que la guerre n'éclate. Nous avons une fenêtre de tir de 5 ans, ensuite il sera probablement trop tard et il ne restera que les pays de l'Est pour espérer fixer un foyer blanc. Si nous laissons passer cette opportunité, je crois qu'il faudra abandonner définitivement l'idée de la France et fuir à l'Est. Ces gauchistes qui tiennent le pavé ne sont qu'une poignée et ne sont pas appréciés de tout le monde, loin de là. Si nous nous structurons intelligemment, il est tout à fait possible de reprendre la main, changer la donne et créer notre enclave autonome. Je vous salue d'un bras fièrement tendu, espérant que mon message motivera nos troupes à venir pour blitzkrieger le secteur. Voilà, alors merci à notre auditeur, c'est un courrier long, riche, qui nous permet de faire connaître l'expérience d'un auditeur dans un secteur qui jusque-là n'avait pas été présenté. Alors évidemment, c'est un point de vue, hein, ça ne se veut pas, bien évidemment, exhaustif. Il peut y avoir des différences d'appréciation, je présume, avec d'autres personnes qui vivent soit dans l'ouest de la France, soit plus particulièrement en Vendée. Mais enfin, nous avons un point de vue, et c'est l'essentiel. Et maintenant, on va en parler, on va en discuter. Alors, je vais donner la parole à nos intervenants. Quelle est la part de ce courrier qui retient le plus votre attention et sur laquelle, vous avez envie de réagir ? Je vais me permettre de commencer. La chose qui m'a bien fait tilter, disons, à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le Tchétchène. C'est vrai, sa famille, oui. La manière dont la chose a été traitée. Alors que bon, le type est un bon rien qui a chié des gosses, hein, voilà, comme ça. On l'a logé, on lui a filé un logement. Le type pour vendre du fioul et dans l'école catholique du coin, hein, ce que j'ai compris, c'est l'école catholique, enfin l'école sous contrat, donc c'est sous contrat, ouais. Ce sont des profs de l'éducation nationale, hein. Donc faut pas oui, catholique, c'est très largement nominatif, disons. Voilà, oui, c'est à dire que oui, en gros, il y a une croix à l'entrée, juste l'évêque qui. Ouais, en gros, oui. À part si tu es vraiment un complet déchet que tu appelles à brûler des curés, tu peux rentrer, quoi, quand même. Hein, bon, voilà. Si un pouilleux sans papier de Tchétchénie musulman peut rentrer, tout le monde peut rentrer, j'ai envie de dire. Hein. Oui, non, mais les professeurs, donc, ils sont allés mettre la pression sur les élèves. Pour élire la Tchétchène, l'espèce de truc dont personne ne voulait, pour l'élire député de classe, délégué de classe, parce que sinon ça reviendrait à condamner à mort cette famille de joyaux tchétchènes. Le niveau de saloperie de ces profs-là, il a atteint des sommets que je n'imaginais pas possibles. Là, c'est vraiment, mettre les gamins, les traiter d'assassins. Oui, c'est ça. Tout ça pour faire un mensonge, pour prouver une intégration, une assimilation, tout ce que tu veux. Enfin, prouver pour prouver que la tarte au caca, c'est très bon. Tu vois, même si. Si tu mets pas si tu fais un clafoutis, tu lèves les cerises, tu remplaces par du tchétchène, ben c'est bon aussi, tu vois, ça marche parce que tu as la tchétchène délégué de classe. Ces gens sont des tarés, mais alors là c'est Bah, en fait, ouais, ça dépasse vraiment tout. Ce que je ressens dans ce... Il salope les gosses, hein. Ça rend saloper des gosses de leur dire, tu es un assassin, sale gosse, tu es un assassin, tu vas tuer des gens. Non, mais attends. Là, faut pas laisser passer ça. Bah, en fait, ça traduit bien déjà l'univers sectaire dans lequel on évolue quand même en France. C'est-à-dire qu'on a affaire, pour moi, hein, je laisse à l'appréciation de chacun le soin d'en penser ce qu'il veut, mais pour moi, on a affaire à une secte, que je serais tenté de qualifier effectivement de la secte du migrant, ou de la secte de l'autre, comme il disait l'autre, avec un grand A, vous savez. Mais je crois que d'ailleurs il y avait Jean Raspail qui a qualifié ça de Big Other, vous savez, c'est un jeu de mots en anglais, donc avec Big Brother, donc le fameux livre d'Orwell. Big Brother, ça veut dire grand frère en anglais. Big Other, qui veut dire le grand autre, donc le grand autre qui nous surveille tous, etc., pour voir si on se situe aussi dans un altruisme systématique et inconditionnel. Hein. Bon, bah c'est ça. Et c'est vraiment sectaire, c'est-à-dire que ce sont des comportements sectaires dont là, dont ce qui a retenu ton attention, cher Derek, est l'expression la plus pure. Effectivement, terroriser des gamins pour les forcer à prendre une position de nature éminemment politique, parce que là c'est du traumatisme, hein, on dit vous allez le faire tuer, etc. Vous imaginez, vous avez des gamins peut-être qui ont, on n'a pas l'âge, mais imaginez des gamins de 8 ans, là, vous allez faire tuer quelqu'un, ah, etc. Oui, c'est ça. Les gamins, vous lui mettez entre les mains, vous savez, ils ont même pas l'âge de raison. Mais c'est ça, mais c'est de la maltraitance. Les parents d'élèves devraient porter plainte. Et bon, les juges sont rouges, mais bon, il faut quand même, ça peut pas rester comme ça. Faut pas laisser ces gens-là saloper des gamins. Ça rien dire sans bouger une oreille. Quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais bon, il a parlé des parents d'élèves et tu verras que hein, bon, on va s'attarder là-dessus aussi. Mais je veux dire, le caractère sectaire est ovarien. On sent, parce que là, on dit, ouais, on met la pression sur les gosses. Moi, quand on dit on met la pression, moi, j'ai surtout l'impression que c'est... Je vois tout à fait les institutrices, voir les gamins. Eh, mais il faut là, tu vois, une espèce de folie voilà, qui s'empare de cette arabe. Parce que moi, on a un certain nombre quand même à connaître hein, le personnel de l'éducation nationale, qui est un personnel à 80% féminin. Hein, et qui est irrigué d'œstrogènes avec le phénomène spasmodique que ça implique. Et là, je reconnais tout à fait ça. Donc ça, c'est ce qui retient ton attention, cher Derek. Quelqu'un veut-il commenter là-dessus sur ces méthodes de Khmer Rouge là, de terroriser les gosses pour forcer une décision administrative? Pas spécialement. Pierrot ou Fulbert, dans le courrier, qu'est-ce qui vous Marc, en particulier. Moi, j'étais, tous les jours, à chaque fois, je me dis, bon, c'est bizarre, maintenant, on veut absolument intégrer les Tchétchènes. Donc, rien que ça, en fait, on pourrait faire une émission entière, quoi. L'intégration des Tchétchènes en France, oui, beau projet. Peut-être vont-ils réciter Victor Hugo à la fin, on ne sait pas. Tout est possible en France, maintenant. Ouais, sur les Tchétchènes, juste un truc sur les Tchétchènes. Bon, les Tchétchènes. Moi, j'aime bien les Tchétchènes dans leur montagne, etc., quand ils traquent les PD. Mais on est bien d'accord que transplantés en Europe de l'Ouest, ce sont des bougnoules pratiquement comme les autres. Hein. Je veux dire, c'est très difficile de distinguer. Hein, voilà. Mais sur leurs montagnes, sur leurs chevaux et tout... Ils sont marrants, ouais. Ils sont marrants dans leur environnement naturel, ouais. Dans leur environnement naturel. C'est culturel, pour le coup. Là, on ne parle même pas d'ethnie, quoi. Il y a un fois, c'est culturel, là, mais c'est juste pas possible, quoi. Ouais, quoi, c'est de l'aveuglement gauchiste pur et simple. Hein. Effectivement, comme dans une secte, t'as un effet de masse qui fait que les gens vont essayer de se convaincre les uns les autres, c'est absolument impossible, même en dehors de la race, tout simplement. Mes chers amis, donc vous savez, je représente le lobby catholique de démocratie participative. Le lobby Bergoglio. Voilà, donc tenez-vous éloigné des modernistes. Moi, je vous le dis, j'ai vu à peu près ce dont ce cher auditeur parle. Donc les modernistes, les conciliaires, vous les appelez comme vous voulez. Déjà pour moi, de toute façon, ce ne sont pas des catholiques, ce sont des protestants qui s'ignorent. Oui, oui, tenez-vous éloigné de ça, parce que pourquoi tu dis ça dans le contexte du courrier? Alors déjà, parce qu'effectivement, je ne suis pas étonné que, par exemple, le curé ne prononce pas les, la forme de la consécration du pain et du vin. Pour moi, de toute façon, ce sont des gens qui sont tellement relativistes, ils relativisent tout, quoi. C'est-à-dire pour moi, d'ailleurs, ils ne croient plus en Dieu. Donc déjà, c'est quelque part, ils sont logiques dans leur connerie. J'ai envie de dire ça. Et puis, de toute façon, bah, c'est un repère à gauchistes, quoi. Les modernistes, maintenant, vous faites le test demain, vous pointez dans n'importe quelle église moderniste, donc n'importe quelle église, on va dire tout court, parce que les tradis, ça court pas les rues non plus, d'accord? On n'est pas nombreux. J'aimerais bien vous dire, moi, on est nombreux, etc., mais c'est pas le cas. Et vous jetez un œil simplement sur les revues qui sont à l'entrée. Il y a toujours un. Donc, vous voyez des trucs pour, je sais pas, le denier du culte, la vie par OFL, ce que vous voulez. Et vous verrez systématiquement. La propagande universaliste qui n'est pas cachée du tout, hein, d'accueil des migrants, la prière pour l'autre, etc. C'est toujours l'Afrique. En fait, ça ne parle que d'Afrique. Et avec toujours les assos à la con qui finissent, c'est quelque chose, machin, machin, machin, sans frontières. Voilà. Donc, comme les communistes, en fait, c'est toujours sans frontières. Donc, oui. Et ce serait marrant de les faire chier un peu en disant mais c'est quand même pénible dans vos publications sur l'amour de l'autre, vous parlez jamais de la Mongolie. Tu Ah vois? ouais. C'est de les faire chier, de dire mais vous parlez jamais de la Thaïlande, tu vois, d'aller répéter, pourquoi toujours l'Afrique? Oui, bon, Toujours l'Afrique, c'est systématiquement. un peu parce que c'est là que se trouve leur part de marché, tu vois, je veux dire, ils aiment tout le monde, Oui. mais surtout là où ça se passe pour eux, tu vois, c'est ce que j'avais envie de dire. Donc Mais. c'est un amour inconditionnel qui est quand même très conditionné, hein. Ouais, tout. Ouais, non, mais ils vont te dire les Africains, c'est les plus pauvres, c'est les plus nécessiteux, etc. Donc c'est. Non, C'est même le pas nègre, vrai. le vrai. Non, Non, c'est pas nécessairement vrai. Non, tu peux dire, bah attendez, il y a des nations très pauvres, etc. Moi, j'irais jusqu'à les troller. Écoutez, une des nations les plus pauvres de la Terre, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, là, une des nations les plus pauvres de la Terre. Alors, où Non, et sont. puis il y a aussi des nations qui est sujette à la guerre, c'est l'Ukraine, hein, les Ukrainiennes alors, Ouais. hein, n'est-ce Ah oui, les Ukrainiennes, ouais, effectivement. pas? Ouais, il y a Ouais, plein les d'Ukrainiens qui Ukrainiennes, votent pas. ouais. Oui, mais en fait, de toute façon, ça c'est logique parce que on a déjà parlé dans l'émission, hein, et on peut en parler ici là, très librement, c'est que effectivement les modernistes maintenant c'est devenu juste une ONG universaliste comme une autre. Juste qu'il y a le petit tampon. Allez, on met un petit tampon officiellement. On est un peu catholique, voilà. Mais juste normalement, la mission principale de l'Église, c'est une des missions, par exemple, c'est aider les nécessiteux, si vous voulez. C'est pas sa mission principale. Normalement, c'est de convertir les âmes. C'est ça, voilà, pour Oui, accéder au paradis. c'est le salut, normalement, effectivement. Voilà, le salut de l'âme, quoi. Et normalement, d'ailleurs, la doctrine catholique est très précise. Si vous voulez, le passage là qu'on a sur la terre, c'est justement, c'est juste un passage, en fait. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre éternité après la mort. Voilà. Maintenant, ça n'existe plus. Ces gens ne parlent plus de Dieu, en fait. Hein. Ils parlent juste de est-ce qu'on va arriver à donner du riz à des nègres. Voilà. Tâche ambitieuse, s'il en est. Oui. Alors oui, effectivement. Donc alors là, on a eu l'épisode sur le Tchétchène. Alors je crois que ce qui m'a frappé le plus dans l'épisode du Tchétchène, c'est le fait que l'endoctrinement collectif et automoteur, hein, c'est automoteur, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'entraînent mutuellement, hein, c'est qu'après la déconvenue, donc du bougnoule qui fout tout en l'air et se barre après avoir chié dans l'appartement, bouffé tout le pognon qu'il pouvait, etc., et avoir engueulé tout le monde, voire même les menacer. C'est que pas un de ces dégénérés n'a opéré le moindre début de remise en question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail intérieur, de merde, peut-être que j'ai deux, trois idées reçues là qui sont pas fonctionnelles. Je me suis peut-être planté en fait, hein. Peut-être que ces gens ne sont pas. C'est peut-être pas la crème de la crème, en fait. Et non, il dit, non, oh là, pensez-vous, ils sont peut-être encore plus déterminés dans leur connerie qu'avant. Ça, je crois que c'est ça qui Bah, m'intéresse c'est-à-dire au que, plan psychologique. oui, les Tchétchènes ont encore plus besoin d'aide, on n'en a pas fait assez. C'est ça, non, mais enfin, bon, c'est Tikkun Olam, hein, bon, c'est ça, on réparait le monde. Mais moi, je crois, hein, je reste sur ma conception, c'est-à-dire que pratiquant ou pas pratiquant, je crois qu'on a quand même à faire Tikkun Olam, comme tu dis. Mais la là, c'est intéressant, on est au cœur du truc. Tikkun Olam, bon, je crois qu'on l'a eu parler, je vais redire. Bon, Tikkun Olam, c'est la vision du monde élémentaire juive qui justifie en fait comment dirais-je, le caractère révolutionnaire du juif qui veut imposer sa marque sur le monde. Donc, le monde, selon la théologie juive, est brisé. dysfonctionnel et doit être réparé. Alors, on s'entend, réparé selon un programme purement juif, hein, c'est-à-dire qu'il faut réagencer la planète selon les attentes du peuple élu. Alors évidemment, quand vous êtes une tribu du Laos ou bien simplement un blanc d'un pays blanc quelque part en Europe du Nord, vous allez très vite découvrir que les attentes du peuple élu ne sont pas vos attentes à vous. Mais ça n'a aucun intérêt, puisque le peuple élu, par définition, discute directement avec Yahvé, voilà, et pas vous. Donc ce sont les attentes du peuple élu qui comptent, et pas les vôtres. Donc le juif s'autorise à foutre en l'air toutes les sociétés, pour les réagencer selon ses intérêts bien compris, et ça c'est une œuvre divine dans le judaïsme. Bon, ça c'est une première chose. Donc l'activisme au quotidien, concret, y compris politique, pour bouleverser les sociétés et les faire correspondre aux attentes des juifs. Ça c'est le premier truc. Chez les chrétiens, c'est ce que disait justement Pierrot, il y a l'idée que tout ce qu'on fait sur cette terre, en fait, n'est qu'un prérequis pour la vie éternelle. Donc on va essayer de se comporter comme il faut sur cette terre pour espérer accéder au paradis. Oui, il faut faire des heures, il faut essayer de bien se comporter, mais à aucun moment il y a l'idée de créer une utopie parfaite sur terre. Ça, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout ce que dit la religion chrétienne. Donc il y a une espèce de mutation entre le judaïsme ancien et le christianisme, qui procède du judaïsme de l'Ancien Testament, et qui ne dit pas du tout qu'il faut changer la face du monde. Hein. Mais, et c'est là où ça devient vicieux, le christianisme sécularisé, par définition, efface totalement la dimension éternelle après la mort. C'est-à-dire que le christianisme sécularisé est un christianisme matérialiste qui s'inscrit dans l'histoire, qui s'inscrit dans le temps présent. Donc du christianisme dans le temps présent, curieusement, ça donne une vision juive du monde. Ne serait-ce pas ce qu'on appelle le judéo-christianisme? Justement. C'est-à-dire que le christianisme, sans la vie future, sans la condition du salut, bien sûr, ne se transforme en une modification de ce qu'on vit au quotidien, etc., pour le meilleur. Alors, bien évidemment, ça donne une espèce de charité inconditionnelle, comme ils disent, hein, mais qui, en fait, est du communisme pratique. Bon. Alors, ça donne des robots, ça donne des bots, hein, des bots chrétiens complètement cons qui veulent faire venir des nègres chez vous parce qu'ils vous disent que c'est tellement mieux quand il n'y aura que des nègres en France. Vous savez pas pourquoi, ils savent pas pourquoi, mais bon, ils disent que c'est comme ça. En revanche, il y a des juifs qui, eux, ne se départissent pas de leur intérêt ratio bien compris, puisque c'est au cœur de leur religion. Ils n'ont pas du tout une vision universaliste. Ils ont une vision globale, les juifs, mais pas une vision universaliste. Hein. Ils ne mélangent pas les torchons et les serviettes, hein. Ils ne mélangent pas les juifs et les autres. Hein. Donc, ils trouvent que ces gogoles de chrétiens sécularisés ou de chrétiens pro-Bergoglio sont très pratiques pour saloper les pays blancs, mais à aucun moment, ils ne veulent s'appliquer ce programme-là. Donc c'est très différent, puisqu'on a des masochistes d'un côté, donc ça c'est les chrétiens sécularisés, et on a des suprémacistes racistes de l'autre, les juifs. Donc c'est la nuance que je voulais faire, et là, dans le cas d'espèce, on a affaire à des chrétiens sécularisés, ou pratiquement sécularisés, et c'est quand même un point essentiel à marquer ici, quoi. Je pense que c'est important à rappeler. Avec une stratégie, alors attention, hein, les stratèges de l'univers, hein. Oui, mais en fait, c'est une mission divine, ce qu'on fait là, une immigration de masse. On va importer plein de musulmans très marrons et on va en faire des bons chrétiens. Bah alors non, c'est une stratégie de merde. Tu vas détruire ton peuple, c'est tout ce que tu vas faire. Et puis, tu vas pas faire venir de nouveaux chrétiens. C'est les musulmans, ils vont installer leur petit fief là et ils vont créer d'autres musulmans. Voilà. En fait, la mission des apôtres, par exemple, c'était l'inverse. C'est t'envoies des gens pour évangéliser. Tu fais pas venir du caca, quoi, tout simplement. Bah, les Tchétchènes, ils deviennent chrétiens, non? Avec suffisamment d'argent, ouais. Ah non. Oui, c'est ça. Pour faire cracher le blanc, tiens, paye des impôts, vas-y. Non, mais c'est intéressant quand même à débunker. Mais moi, je l'ai vécu aussi. Enfin, je pense que tout le monde l'a vécu. Hein, parce que ces curés, dont aujourd'hui je pense 90% sont soit des homosexuels, soit des homosexuels et des pédophiles. Je parle des curés officiels. Tu oublies les nègres, parce qu'il y a beaucoup de nègres en fait dans le clergé. Oui, les polygames, oui. Les nègres français. Ouais, les nègres français, oui, c'est vrai, c'est un phénomène nouveau, pas si nouveau, mais en tout cas qui prend de l'ampleur. C'est d'appeler, effectivement, moi j'ai plein de plein de collègues hein, qui me mentionnent ça, des gens qui sont pas du tout croyants, mais qui se retrouvent dans une église pour un mariage, un enterrement, qui rentrent là-dedans, bon, ils suivent et tout, parce que c'est la coutume. Puis des gens de droite, quoi, vous voyez ? Des gens de droite ou anti-immigration et tout. Et qui foutent jamais les pieds dans une église, et qui se retrouvent à écouter un vieux barbon ressasser des trucs sur la nécessité de prier pour les murs. Alors déjà, les mecs, ils prient pas, déjà. Mais on leur demande de prier pour des nègres. Clandestins, de surcroît. En plus, quoi, non mais... Encore, on a... Oui, et puis surtout, ayons une pensée, voilà, quand même, pour les nègres, hein, du Biafra qui souffre de famine. Bon, personne le fait, mais bon, on dirait, bon, oh, allez, bon, c'est... Mais, prier pour des nègres, mais gras, comme des vendeurs d'esclaves, vous voyez, là, mais qui vivent dans les banlieues, vous voyez, des villes françaises, ça, c'est complètement hallucinant. Et c'est ce que nous propose de faire, donc, tous ces vieux homosexuels défraîchis qui servent d'armée à Bergoglio, hein, bon. Hey, mais là, tes amis, Gandalf, ils font une erreur, c'est qu'ils rentrent dans une église sans leur carte du PCF. Alors forcément, ça pose un souci. Non, alors je vais pas polémiquer sur les chiffres. Attends, l'église n'est pas sectaire et l'église accepte aussi les socialistes, voire les macronistes. Bah, au-delà, ouais, ça devient tendu quand même, mais bon... Normalement, le communisme était qualifié d'intrinsèquement pervers, hein, de manière infaillible. Mais bon, c'était ouais, il y a combien de temps, par qui Ah oui, voilà, mais c'est ça, en fait, d'ailleurs, les modernistes sont complètement relativistes, d'ailleurs, c'est leur défense. Hein. C'est avant Vatican II. Ah oui, bien sûr. C'est avant que l'Église ne devienne réellement catholique, c'est-à-dire après 1962. J'ai raison ou j'ai tort? Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est le relativisme, en fait, il est infini, tu vois. C'est-à-dire, ces gens, ils vont. C'est leur ligne de défense, d'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas. De toute façon, c'est vu que tout est relatif. Alors, en fait, même le dogme, maintenant, peut être relatif. D'ailleurs, c'était un trait d'humour qu'avait fait Monseigneur Lefebvre quand il discutait avec Ratzinger avant qu'il soit pape, Benoît XVI. Ouais. Il avait dit non mais pourquoi est-ce que moi Monseigneur Lefebvre, donc chef des traditionalistes hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi est-ce que moi j'irai suivre votre nouvelle secte Vatican II puisque de toute façon vous changez tout et dans 5 ans, dans 10 ans votre doctrine aura encore changé, donc ça sert à rien, voilà. Tout à fait, ouais, ça c'est bien observé, voilà, donc tenez-vous éloigné vraiment des modernistes, hein. Je vous le dis avec d'autant plus de vigueur et de conviction que je suis moi-même catholique. Tournez-vous vers la tradition, vous aurez plein de gens sympathiques, il n'y a pas de problème. Tournez-vous vers la Mais alors, les modernistes, franchement, vaut mieux être athée, limite, parce que de toute façon, ça ne changera rien dans les faits. Quoi. Vous tournez vers des gens qui, de toute manière, ne croient pas en Dieu, donc je ne vois pas l'intérêt. Hein. C'est ça. Alors, on raille un peu l'environnement, mais bon, il faut comprendre qu'on est en Vendée. Le catholicisme a servi, je pense, d'identité collective à cause de la Révolution française. Où, on va pas refaire l'histoire de la Vendée, hein, mais il y a eu une telle entreprise de destruction génocidaire par la Convention, donc par les nouvelles autorités républicaines établies en 1792-93, que pendant longtemps, je pense que ça a servi de ciment identitaire commun, quoi, hein, ça a servi un peu de bannière commune face à l'extérieur. Et on voit, en fait, que, comme le dit notre auditeur, bah, finalement, oui, les gens ont résisté au pire, à la destruction des corps. Ils ont même réussi à résister dans une certaine mesure aux campagnes républicaines de la Troisième République, donc de la franc-maçonnerie, des loges, avant, après l'affaire Dreyfus. Et puis finalement, bah, ils ont été rattrapés comme tous les autres, et c'en est à un point où finalement la dégénérescence est indistincte entre la Vendée et tous les autres territoires de France, quoi, hein. Alors, l'avancement n'est pas le même. Parce que c'est un territoire qui est quand même plutôt rural. Mais au niveau des tronches, au niveau des têtes, c'est aussi avancé qu'ailleurs, quoi. Et il le dit probablement, ou très essentiellement, à cause de la télévision et de l'éducation nationale, qui n'a pas attendu, bien sûr, 2020 pour faire son boulot de destruction, mais qui quand même parvient à entraîner quand même la jeunesse dans la déstructuration complète au plan identitaire et communautaire. Ça, c'est quand même très frappant. Quelqu'un veut-il dire quelque chose sur ce point-là, de constater que dans les zones les plus rurales, les Blancs sont totalement dégénérés? Au plan des têtes, quoi, j'entends. Ou sur autre chose, totalement totalement déconstruit, quoi. Totalement ouais, déconstruit. Ouais, déconstruit ouais. En attente de la dégénérescence. Oui, c'est... Bah... C'est devenu des goy, quoi. Hein. C'est malheureux. Hein. Mais c'est ça. De la pâte de goy. Nos contemporains sont un petit peu tous comme ça. Hein. Donc, oui, pourquoi ça Il le dit, hein. épargnerait. Il le dit dans son coin, il dit ce qui me frappe un peu, c'est l'apathie. C'est l'apathie des gens qui sont Bah ouais, complètement. c'est l'espèce de spleen, tu vois. Les gens sont là. Ouais, ils se laissent porter. Il n'y a pas de volonté, quoi. Il n'y a pas de volonté, ouais. Il n'y a pas de volonté collective. C'est très frappant. Mais oui, la télé dit, oui, bon, les nègres, oui, les nègres, c'est gentil, oui, c'est gentil, Hein. oui, ça va, ça va. Bon, est-ce qu'ils en voient tant que ça? Notre ami nous dit qu'il y a des négrillons qui arrivent à droite à gauche. Alors, c'est vrai que oui, voir les putes qui reviennent de Nantes, là, qui ont dû Ouais. se faire sauter par tout ce que ce porc esclave là, a pu voir comme nègre. Et qui arrive avec son Jésus métis. C'est vrai que ça existe. Je sais pas dans quelle mesure c'est très répandu. Ça doit pas être non plus très répandu. Oh, ça existe quand À même, voir. hein. Je veux dire, faut... Je connais pas. Hein, je connais pas ces coins. C'est un phénomène, hein, quand même, hein. Ouais, c'est comme la Bretagne. C'est mer. Oui, c'est un petit. C'est pas très loin. Bah tiens, c'est bien que tu dises ça parce qu'on a quand même copieusement attaqué la Bretagne. Non, mais à juste titre en plus, je veux dire, à juste titre, Ah voilà, hein. oui. Faut être quand même assez honnête. Je veux dire, il y a parce que finalement, c'est une sociologie qui, sans être tout à fait identique, est quand même très proche. Hein, quand on est dans l'est, l'ouest, quand on dit l'ouest de la France, souvent on l'entend à des gens qui sont plutôt ruraux, plutôt chrétiens, catholiques, disons, un peu gnangnan, mais en même temps qui votent maintenant plutôt à gauche. Alors pendant très longtemps, c'était considéré comme une terre réactionnaire. Hein. Je pense que ce qu'elle est, je pense qu'elle est réactionnaire, mais c'est un trait de caractère. C'est pas un trait politique, ce que peut-être les gens comprennent pas toujours. C'est-à-dire que la réaction, ça consiste à conserver l'étang, et pas du tout à conserver des principes clairement définis. Hein. Ça c'est juste un réflexe, une attitude psychologique de réflexe et non pas d'action. Et je crois que quand il dit, tiens, dans les écoles, on fait le forcing avec des chansons pro-Afrique, etc. Alors ça, c'est très, très, très répandu en Bretagne, dans les écoles. Parce qu'il y a toujours une explication, vous comprenez? Quand vous voyez des gamins qui sont infectés j'allais dire de négrophilie, mais c'est au-delà de la négrophilie, qui deviennent eux-mêmes des nègres, il faut comprendre qu'ils ont été exposés à un lavage de cerveau de manière très précoce. D'accord? C'est pas non plus inné, cette affaire. Hein, je veux dire, il y a 100 ans, en Bretagne, en Vendée et ailleurs, vous prenez les cartes postales avec des petits gamins, vous voyez pas de danse avec des nègres dessus, hein, ça n'existe pas, ça. Donc il y a un travail d'ingénierie sociale qui est fait. Et effectivement, l'éducation nationale est le principal foyer de ça. Et tout spécialement, les greluches qui sont recrutés par l'éducation nationale pour encadrer les gamins. Et c'est systématique. Moi, j'ai des collègues qui ont des gamins dans le public. Et qui subissent ça, je veux dire, et pour lesquels, qui eux ont une conscience communautaire, qui veulent transmettre le meilleur à leurs gamins, mais qui sont pas non plus riches, donc ils peuvent pas biaiser en allant vers des établissements élitistes et quoi, et donc qui doivent subir l'exposition de leurs gosses à cette merde par des connasses. Totalement fanatisé, dont on a parlé un peu précédemment. Et c'est vrai que c'est toujours le même régime, c'est-à-dire, on va faire un événement cette année, les enfants, le thème, un roulement de tambour, hein, c'est l'Afrique. Les nègres. Voilà. Et alors là, tu sais, il faut prendre les pots de yaourt, faut faire, ça ressemble à quoi l'Afrique? Alors, tu sais, avec les animaux, les trucs, les machins. Donc, tu plantes une jungle imaginaire dans la conscience de gamins qui ont 3 ans, 4 ans, ça commence comme ça, quoi. Ça commence comme ça avec ces tarés. Alors que moi je dis, il faut planter des forêts de sapins ou des forêts de chênes dans l'imaginaire des gamins des 4 ans. Donc on a un vrai problème. Et c'est collectif en plus, vous savez, c'est pas juste un gamin pris isolément, c'est on les met ensemble, et ça c'est le phénomène collectif, c'est-à-dire que la prime va à celui qui fait du zèle. Donc plus le gamin il en fait dans le truc, plus il le fait bien, plus la maîtresse elle est contente. Et puis plus celui qui n'a pas envie, vous voyez, il est mal vu, il est montré du doigt, il fait pas partie du groupe, vous voyez. Donc bon, c'est vraiment dégueulasse ce que font ces traînées. Je mets pas la peine de faire semblant de faire croire qu'il y a des mecs, il y a quelques rachitiques blancs là, sous Prozac et tabagique au dernier degré, qui jouent les profs là-dedans, mais c'est quand même souvent des greluches. Et l'épisode que nous narre l'auditeur rappelle ce truc-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui savent ce dont je parle. Voilà. De toute façon, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir vous-même, vous prenez les journaux régionaux ou les journaux locaux avec les photos des classes, vous savez. Ah, ça loupe jamais, ça. Ou les kermesses, les trucs comme ça. Alors, par contre, Joker. Je propose un Joker, cher auditeur. Si ça se passe par chez vous et que vous voyez qu'on propose de les grimer en nègre, vous dites... Attention, la blackface, appropriation culturelle, là, c'est du racisme aggravé, oui. Là. Ah, bien. Ah, on ne peut pas se déguiser en nègre. Attention. Tu peux même tu peux même dénoncer les professeurs à l'académie, ouais, pour ça, racisme. Voilà. Sur Twitter. Sur Twitter. Pas hésiter. Sur Twitter. Sur Twitter, mais à l'académie aussi. Aussi. Et la LDNA est disponible sur Twitter aussi. Comme ça, vous pouvez faire une pierre deux coups, appeler des secours, voilà. Non mais c'est vrai, moi je me dis, en fait, la meilleure façon de vacciner ces gauchistes à la con de l'éducation nationale, c'est de les prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire que vous dites, attention là, vous franchissez une limite. Et vous savez quoi ? Je vous donne un exemple concret, hein. C'est cette année 2019, enfin l'année dernière, mais 2019 c'était très récent, je crois que c'était sur l'île de Ré, si c'est pas l'île de... mais je pense que c'est l'île de Ré, si c'est pas l'île de Ré, l'île d'Oléron, bon, peu importe. Et alors, c'est une histoire à la con, mais c'est genre des... Oui, genre un truc associatif encore, vous voyez ? Avec des vieux, c'était des boomers. Et alors, le truc, c'était un repas. Et alors, le repas avait pour thématique roulement de tambour. Hein, des nègres. L'Afrique, évidemment. Bon. Alors, du coup, il fallait venir habillé en africain. Et alors, et les nègres ont pété un câble. Mais quoi ? Alors, ils ont dû se justifier. Les mecs ont dit, oui, mais on pensait pas à mal, etc. Alors ça, je peux vous dire que dans ce bled-là, les soirées africaines, c'est fini. C'est terminé. On n'en parle plus. Il n'y en aura plus jamais. Les nègres les ont mis à l'amende. Maintenant, la prochaine fois, ça sera soirée choucroute et Alsace pour tout le monde. Vous voyez, d'accord ? Non, mais ça paraît con, mais c'est vrai. Donc, je pense qu'un des moyens de venir à bout de ces empoisonneurs, c'est de menacer de leur mettre des nègres hystériques sur le dos. Donc, de guérir le mal par le mal. Voilà. Bon, je soumets à la diligence de nos auditeurs cette manœuvre, voilà. Peut-être. Ou alors, si jamais les instits là veulent faire des fresques, des crèches vivantes en représentant l'Afrique, bon bah veillez à ce que l'Afrique soit bien représentée, c'est-à-dire que un continent riche, plein d'avenir, avec de la technologie partout, parce que si y en a marre de représenter l'Afrique avec que des miséreux, quoi. On veut voir du Black Panther, quoi, des secoupes volantes et les pyramides, tout ça. Quoi. Ah, pas mal, ça. Ouais, non, mais des buildings, tu sais, tu dis, ouais, non, on va représenter l'Afrique telle qu'elle existe vraiment, en dehors des clichés. Et tu sais, là, tu mets des photos. Ouais, en dehors des clichés colonialistes. Tu prends des photos de New York, tu sais, tu fais des trucs comme ça. Du coup, c'est l'Occident. Non, mais arrête, là, avec tes clichés. Non, mais il faut les troller, vraiment. Il y a sûrement des parents d'élèves qui nous écoutent, qui sont soumis à ces conneries. Ça peut être l'occasion de bien vous marrer. Hein. L'imagination au pouvoir, comme disait Cohn-Bendit. Sinon, sur... Bon, on a parlé à peu près tout, je pense. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur peut-être le white flag? Oui, voilà, notre auditeur a parlé du... de l'opportunité d'avoir un état blanc qui regroupe un foyer communautaire blanc. Ouais, ouais, bon, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. L'expatriation à l'est, je suis assez dubitatif pour ma part, mais bon, oui, pourquoi pas, quoi. Bah, bon, moi j'ai toujours dit une chose, c'est de toute façon il y a 50 millions de blancs en France, bon, leur nombre diminue, mais il restera toujours enfin, en tout cas sur le moyen terme, et en tout cas durant ce siècle, il restera quelques dizaines de millions de blancs en France. Et ces gens-là vont pas partir. Donc ils vont devoir s'organiser, quoi. Donc, nonobstant les choix individuels qui peuvent être faits ici ou là, de toute façon, il va rester des blancs en France qui vont vouloir s'organiser. Donc, moi, je pense que ça part pas de consigne, en fait. Parce que les gens ont du bon sens, ça existe le bon sens. Il n'y a pas tellement besoin d'expliquer aux gens quoi faire. Les gens... quand il s'agit de sauver leur peau, d'essayer de protéger leurs gamins, enfin, quand ils le veulent, hein, je veux dire, mais quand ils ont quand même un bon sens élémentaire, ils savent à peu près comment s'en sortir. Donc, par Oui, exemple, je donne les profs de gauche en premier lieu, par exemple, hein, les profs de C'est gauche ça, oui. hein, qui oui, machin, l'école publique, les nègres partout, c'est génial, pour au final mettre ses gamins dans l'école privée, parce que c'est mieux, hein. Tout à Donc fait. ces empoisonneurs de puits ne goûtent pas leur médecine. Ils ont quand même l'instinct de survie, hein. Oui, par exemple, je veux dire, des familles blanches qui ont envie de s'enfuir ne vont pas fuir vers les quartiers nord de Marseille, par exemple. Vous voyez, donc il y a un bon sens qui me semble évident, et donc je crois pas que ce soit bien nécessaire de prétendre pouvoir les influencer. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, il y a des endroits plus propices que d'autres. Ça me paraît, c'est-à-dire d'informer les gens, que les gens soient bien informés pour prendre des décisions. Ça oui. Et indubitablement, il y a des endroits qui sont beaucoup plus vivables que d'autres, quoi. Alors, la liste est longue. Je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, juste. Ça c'est empirique, hein. Ça, c'est, voilà, je visionne beaucoup de cartes de toute nature, mais relatives à la diversité et à cette chance extraordinaire que nous avons de transformer la ville, la France en colonie du proche du Moyen-Orient et d'Afrique noire, c'est que, en fait, le centre de la France, les départements du centre, vraiment du centre, hein, sont très épargnés. Par exemple, une carte très intéressante, c'est la carte des départements qui perdent des habitants. Là, vous savez, là, c'est garanti, quoi. S'il y a des départements qui perdent des habitants, vous savez que là, la diversité, il n'y en a pas. C'est sûr. C'est-à-dire que les territoires qui gagnent des habitants sont des territoires qui gagnent soit des vieux, des retraités, donc des gens qui fuient la diversité, par exemple, mais qui ont besoin, si vous voulez, d'avoir accès à un certain nombre d'infrastructures ou quoi, ou alors carrément de l'immigration nette, quoi. Mais les territoires vraiment blancs, protégés et tout, ça, c'est les territoires qui perdent des habitants. Et vous regardez, vous voyez que le centre de la France. Alors, c'est pas une règle absolue, attention, il y a plein d'autres paramètres, hein. Vous pourrez toujours me Oui, trouver il y a quelques îlots aussi, hein, Voilà, dans ces coins-là. vous pourrez me trouver un département qui perd des habitants, qui par ailleurs est déjà très atteint au niveau immigration. C'est ça, j'en disconviens pas. Mais d'ailleurs, c'est des tendances. Et dans le centre de la France, je vois bien que là, il y a des territoires qui sont quand même très très préservés. Voilà, alors après, tout dépend de ce qu'on aime, hein. On avait eu le courrier une fois d'un auditeur qui disait, moi je m'imagine pas vivre loin d'une grande ville. Bon, bah voilà, il y a des gens qui sont comme ça, peut-être qu'ils ont grandi dans une grande ville, ils ont toujours été là, dans ce type d'environnement, ils s'imaginent pas ailleurs, ils veulent pas s'inventer néo-ruraux à 53 ans. Bon, bah ça se comprend, voilà, c'est comme ça. Bon, donc là, les stratégies seront différentes. Mais je pense j'ai vu une autre carte qui est parlante aussi. La carte des zones de peuplement réelles en France. C'est-à-dire les territoires qui sont réellement habités en France. De la densité de population, si vous voulez. Et vous découvrez en fait qu'il y a une toute petite partie du territoire français qui est vraiment peuplée. L'écrasante majorité, la très grande majorité du territoire français n'est pas peuplée. C'est très peu peuplé. La France est un grand pays en superficie. C'est pas le plus grand, c'est pas l'Ukraine, c'est pas. Mais c'est quand même un grand pays par rapport à la taille moyenne d'un pays européen, avec beaucoup d'espace, très peu, voire pas peuplé. Mais comme je dis, c'est un choix de vie. Donc c'est après, parce qu'après, il y a l'opportunité du travail, l'accès aux soins, etc. Parce que tous les territoires dont je vous parle dans le centre de la France, vous allez avoir beaucoup de problèmes pour des trucs aussi simples que accès à un ophtalmo. Ça c'est très difficile, hein. Donc voilà, c'est probablement l'art de trouver un certain confort de vie quand même. Bon, j'estime que pouvoir accéder à un ophtalmologiste n'est pas nécessairement lié au confort ou au luxe, mais bon. Et la sécurité, le besoin de ne pas avoir des gamins exposés à des nègres infects à la longueur de journée, pour ne pas parler évidemment des joies de l'islam. Donc plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc nombre de médecins par habitant, comment dirais-je, densité de population, bon ce genre de choses quoi, bon, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'espace en France, hein. Et la carte de la drépanocytose, puisque tu parlais des cartes, Oui, ouais, il y a une bah carte, oui. hein, une carte des naissances, même si là je crois qu'elle ne sera plus, Elle est plus elle publiée sera depuis plus. 2016. Oui, Mais bah, parce que en moyenne, vous pouvez les dépistages. Non, mais les dépistages sont systématiques maintenant, puisqu'on a cassé le thermomètre, me semble-t-il. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils ont tout simplement démantelé l'autorité centrale qui la faisait. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils ont dit, non, maintenant, on fera ça par région. Alors, il y a bien une entité administrative qui centralise tout, mais elle est plus publique. Enfin, elle est plus... voilà. Donc, il faut carrément la démarcher. Bon, l'idée, en gros, c'est qu'ils ont cassé le thermomètre avec une excuse bidon, c'est-à-dire, voilà, on fait le dépistage dans les 13 régions. Et plus au niveau central, voilà, bon, bref, une arnaque. Mais on peut savoir à peu près l'évolution de la drépanocyto sur les chiffres qu'on a, puisque ça augmente d'environ 1% par an. Donc vous partez sur cette base-là, ça augmente d'1% par an, en moyenne. Donc, voilà. Oui, à part dans les zones qui sont déjà très atteintes, où ça augmente beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça, bon. Mais je crois qu'en Île-de-France, on est à 75, on était à 75% il y a encore 2-3 ans. Dans ces eaux-là, ouais. Voilà, bon, écoutez, voilà, on est peut-être à 77% maintenant. Bon, c'est sûr qu'arrive un moment donné, on n'arrivera plus à aller au-delà. Quand on sera à 100% en Île-de-France, ça n'augmentera plus, je suis d'accord. Mais bon. Sur le coup de notre auditeur, quelqu'un d'autre? Pas spécialement. Bon, on remercie notre Vendéen d'adoption pour son courrier. Je suis très content de l'avoir reçu. Pourquoi j'avais demandé la Vendée ou enfin l'arc atlantique, c'est justement plutôt dans cette perspective-là de la migration intérieure en fait, vers où les Français pourraient aller. Et je pense que l'arc atlantique est un endroit agréable au niveau du climat. C'est beau, c'est bien entretenu comme j'avais dit. Je pense qu'entre Saintes-Bordeaux et Nantes, les communes sont très bien entretenues. Après, dans l'intérieur des terres, je ne pourrais pas dire, mais sur le littoral, ça l'est. Donc, c'était un peu ma question, c'est de savoir comment ça se passe, etc. Charente-Maritime et autres. Donc, bon, s'il y a des auditeurs qui écoutent, qui ont envie de nous donner un petit peu leur expérience, leur vécu, comme notre auditeur vendéen, ça serait intéressant. Voilà, donc, merci beaucoup. On passe au courrier suivant, monsieur. Bonjour à tous, chers démocrates participatifs. Il y a une semaine où je n'avais pas mon énergie habituelle, celle où il n'y a pas eu d'émission récemment. Bon, j'exagère, mais je salue votre remarquable régularité tout au long de l'année pour égayer nos oreilles de contenu toujours très intéressant. J'ai appris par exemple, grâce à un magnifique courrier d'un auditeur, que la Savoie était colonisée alors que, naïf, je la voyais préservée. Oui, on se rappelle tous de ce courrier-là. Hein. J'en appelle aux commentaires de notre cardinal en chef doctorant en négrologie appliquée et double thésar en crouillerie du tiers-monde, j'ai nommé le sieur Derrick, pour qualifier cette population en question. J'ai décidé de saisir mon clavier pour vous parler du covoiturage et de son évolution raciale. L'exerçant sur diverses plateformes et depuis de nombreuses années, en tant que conducteur ou passager, j'ai pu constater la négrification et la bougnolisation absolue du phénomène. Au départ, c'est-à-dire il y a au moins 7 ou 8 ans, on pouvait constater des usagers relativement homogènes dans leur blancheur. Certes, il fallait supporter quelques bobos, benets, poufias et autres punks à chiens, mais cela restait respirable. Cela, c'était avant que la faune du tiers-monde réalise que le filon pouvait être bon, car oui, il leur faut le temps de comprendre à ces macaques. Et là, ma voiture a commencé à s'emplir de représentants d'Afrique du Nord et subsaharienne. Bref, de bougnoulés de nègres, à tel point qu'une plateforme comme BlaBlaCar devait être renommée Black Black Car, ou Black Burr Car. Quand je suis passager, c'est le même constat, la même punition. Pas seulement entre capitales régionales et grandes villes de France ou du Benelux, mais aujourd'hui, même si vous faites un Chalon-sur-Saône, Charleville-Mézières, vous allez tomber sur des putains de nègres. Et, cher Fulbert, sans parler des communes autour de la capitale du royaume, totalement islamisée, la Belgique wallonne sur Charleroi, Mons et autour d'Anvers est complètement infestée, de même que la région de Rotterdam et de nombreux autres territoires autrefois préservés, comme la Bretagne. Je pourrais remplir une émission entière d'anecdotes et d'histoires concernant ces sous-passagers. Première remarque, mais vous n'en serez guère étonné, ces putains de bamboulas sont presque toujours en retard, et quand vous avez la bienveillance de les attendre, jamais ou presque, il ne s'excuse. Je me souviens d'un de ces énergumènes qui n'était pas au lieu du rendez-vous. Cette huluberlu avait oublié de mettre sa montre à l'heure d'hiver, pourtant atteinte depuis déjà plusieurs jours. Certains se sont même déjà trompés de ville. Oui, de ville. Cons comme des balais, ils en ont ils en sont souvent à se poser des questions sur l'emplacement de départ, pourtant indiqué noir sur blanc dans l'annonce. Et une fois sur place, ils trouvent encore le moyen de se gourer. Ce sont aussi souvent les plus exigeants en demandant de faire des détours énormes. Une fois en route, ils aiment parler à haute voix dans leur dialecte incompréhensible avec leur diaspora. Certains ont déjà mis de la musique africaine sans mon consentement dans la voiture. Un nègre m'a une fois prié de prendre son clébard, hyper propre et sage, disait-il, dont il paierait la place et n'ayant personne d'autre. Banco, erreur fatale, ce putain de clébard n'a pas arrêté de péter du voyage sans la moindre réaction du nègre endormi. Je lui conjure sur une aire d'autoroute de le faire déféquer, mais même plus rare, ces flatulences insupportables se poursuivront jusqu'à l'arrivée. J'avoue ma culpabilité sans détour dans cette affaire. Déjà, prendre un nègre, c'était pas l'idéal pour l'odeur intérieure de la voiture, mais son kleps en plus, là oui, j'ai mérité mon sort. Avec les blancs, globalement, je n'ai jamais eu de problème. Même avec le nègre, je devais m'armer de patience avec des explications parfois tendues au téléphone, souvent avec la tante ou le cousin. Impossible de guider un nègre jusqu'à un point de rendez-vous. Les mecs ne comprennent rien. Jamais leur dire plus d'une information à la fois, sinon leur cerveau fait tilt. Je ne parle même pas de ceux qui ne parlent pas le moindre mot de français. Je me souviens de ces Gambiens embarqués, m'expliquant qu'ils ont fait venir toute leur famille nourrie par nos impôts. Les plus impolies des personnes, les plus vides, les plus inintéressantes, les plus connes sont ces putains de négresses avec qui je n'ai jamais eu une seule conversation vertébrée. En plus de cela, ces nègres sont exigeants, n'hésitant pas à vous mettre des mauvais commentaires pour des queues de poire alors que vous les avez dépannés. Je pourrais aussi parler des nègres qui sortent leur bouffe odorante, infecte en voiture, qui demandent de s'arrêter 3 fois en 200 km pour uriner, voire qui essaient de gratter du cash pour des raisons X ou Y. Les seuls cas d'agressivité notoire non provoqués en covoiturage ont toujours été le fait de nègres ou de bougnoules, eux aussi en masse dans ce mode de déplacement. Le bougnoule, parlons-en. Déjà, c'est le genre de type qui va t'appeler 3 fois avant l'heure de départ pour des détails qu'il a déjà. Ou qui va t'appeler 10 fois en 5 minutes si tu as 5 minutes de retard. Très souvent, ce ne sont pas ceux qui réservent qui voyagent, une Fatima réservant pour un Rachid, un Toufik réservant pour un Mohamed. Je ne compte pas ceux qui écrivent pour dire qu'ils n'arrivent pas à réserver en ligne alors qu'il suffit de quelques clics. Le bougnoule, c'est aussi le gars qui va te bombarder de questions et te faire chier du début à la fin avec ses histoires à la con dont tu te fous avec la dernière énergie. C'est le mec qui va te demander de retourner chez lui car il a oublié quelque chose, qui va te demander d'enfumer une en route. Le bougnoule n'hésitera pas à te raconter ses magouilles fièrement. De la voilée venue avec ses mormes, avec donc ses chiards, hein, dont elle oublie volontairement d'indiquer la présence d'un ou de tous pour réduire la facture au détriment du confort des autres passagers. Vous ne serez pas étonnés d'entendre que quand je leur demande ce qu'ils font dans la vie, la plupart ne travaillent pas, sont étudiants à 28 ans, ont une activité limitée, souvent au black. Là est le point commun entre les nègres et les bougnoules. Il va sans dire que je désinfecte régulièrement l'intérieur de ma voiture et que tous mes vaccins sont à jour. Le grand remplacement est là. C'est abominable de constater l'étendue des dégâts, quel que soit le trajet effectué. Il y a encore 5 ans, je ne voyais pas encore le thermomètre racial se noircir à ce point-là. Mais il est effrayant surtout de constater les déchets de la société qu'on a importés en masse. Ces inutiles, dont on nous dit qu'ils sont utiles dans les médias de propagande, comptez sur eux pour payer vos retraites, mais bien sûr, ce seront les retraités qui paieront pour entretenir cette faune de parasites. Comment a-t-on pu en arriver là, et surtout comment les Français acceptent-ils cela, de voir leur pays laminé et pollué par cette immigration de masse incontrôlée? Le lobby juif peut être fier de lui, son œuvre dévore notre civilisation. Je vous laisse réagir là-dessus et souhaite à toute l'équipe de démocratie participative tous mes vœux pour la nouvelle année ainsi qu'une longue vie à cette émission dont je suis particulièrement addict. Et c'est Avilius qui nous écrit. Alors merci Avilius, je te souhaite au nom de toute l'équipe une excellente année 2020 ainsi qu'à toute ta famille, à tes proches et à tes amis. Et maintenant, eh bien, la parole est donnée à nos participants sur ce phénomène trop peu mentionné dans notre émission qu'est le covoiturage, expérience en temps réel, donc de ce phénomène qui, comme le dit si bien Hervé Lebras, n'existe pas, un phénomène du grand remplacement qui est une vue de l'esprit de l'extrême droite. Qui veut m'en parler? Il y a plusieurs catégories raciales là, dans l'affaire. Hein. Enfin, oui, les catégories françaises habituelles, quoi, hein, les bougnoules et les nègres, quoi, Oui, hein, c'est... Oui. avec leurs variantes féminines qui peuvent être aussi un petit Les peu plus. négresses. Oui, les nègres avec des scènes, donc, Ah oui, voilà. effectivement, Dégueulasse. Aya Nakamura, quoi. Ouais, alors bon, moi déjà, le covoiturage, je ne connais pas du tout. J'ai jamais pratiqué la chose. Ouais, à mon avis, faire du stop sur l'autoroute entre Bagdad et Kirkouk est plus sûr que faire du covoiturage en France, mais c'est juste mon avis, hein. Oui, tout à fait. Enfin, juste, oui. Surtout dans. Enfin, je sais pas dans quel type de ville, là, notre ami va, c'est vrai que s'il va. S'il fait du covoiturage jusqu'à Rotterdam, bon, oui, c'est les gens qui vont là-bas, Oui, c'est souvent peut-être pour, ah, des nègres hein, chiteux, hein, des nègres chiteux, hein. Bon, de blancs aussi, de blancs aussi, mais bon, ouais, des nègres chiteux. Ça, tu Voilà. vois, Oui, puis bon, ça c'est un coup avoir une embrouille de merde, je t'explique. Ah ben c'est un coup, est-ce que le type ramène de la canne dans Et ta bagnole et que tu ailles en voilà, prison? Oui, tout à ouais. fait, oui, bien Voilà. sûr. Mais il y a Ça, déjà eu des c'est... histoires comme ça d'ailleurs avec Blablacar. Hein. Des Ah mecs qui bah faisaient passer la drogue. c'est pas étonnant. Ouais. Et... Est-ce que vous voulez que je raconte un peu ma vie, si vous Vas-y, voulez bien? oui, bien sûr. raconte-nous ta vie. Tant que ça Parce que reste. moi, le Tant covoit, j'ai donné, puis maintenant, j'ai plus le besoin. Mais c'était pendant la période où en fait ma voiture me posait des soucis ou parce que c'était plus pratique. Bref, on s'en fout. Et donc j'ai choisi quand même avec qui je fais le trajet, quoi. Donc j'essaye de trouver quand même des gens de mon âge et des blancs, quoi, parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde, tout simplement. Bon, une fois j'étais embêté, c'est juste que j'ai réservé un voyage, donc j'étais passager, et c'était une nana, une africaine, quoi, voilà. Et donc elle était en couple, en fait, c'était une petite bagnole, et la quatrième personne c'était aussi un nègre, donc j'étais le seul blanc dans la bagnole, donc déjà bon. Mais voilà, c'était pas des gens qui étaient agressifs et tout. Le stéréotype, il s'est vérifié tout de suite dans la voiture. Premier stéréotype, c'est qu'en fait, il s'est avéré que par un concours de circonstances incroyable, ces gens avaient une sorte de bac plus 5 comme moi. Alors le couple en question, c'était pas des Français, c'était des Camerounais pour le coup. On leur avait pas encore filé les papiers, hein, mais peut-être que c'est venu. Ils sont devenus français depuis et à peu près dans le même domaine que moi et tout. Donc on commence un peu à parler de boulot, trucs comme ça. Et j'ai vu dans leurs yeux de nègres. Il captait rien de ce que je disais. Il avait vraiment rien du tout. Le vide abyssal. Et donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi et tout. Puis bon, c'est des Camerounais. J'essaie de m'adapter, quoi, quelque part. Mais en fait, non, c'est juste que même des trucs de première année et tout, il captait rien de ce que. Et c'était genre la pointe, quoi. Il m'avait décrit ça, le type. Ouais, nous, c'est la pointe du tout. Je fais, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je confirme le récit d'auditeur. Ils essaient toujours de gratter sur un peu de pognon et tout. Parce qu'en fait, normalement, quand t'as des bagages, quand il y a trop de monde. Bah, tu préviens les gens ou tu restreins le nombre de voyageurs. Là, c'était une petite bagnole, je crois que c'était une 106 ou un truc comme ça. Enfin, vraiment une petite caisse. On était quatre dedans avec les bagages et tout. C'était invivable. Et donc, et il y a aussi le troisième stéréotype qui revient très souvent de l'émission, mais j'insiste. Mais ça puait le nègre! Oh là là là là! Non, non, mais moi, je l'ai souvent dit ici, hein, mais si vous voulez, la principale preuve que le nègre est un animal avant tout et pas un humain, c'est son odeur qui le trahit, tout simplement. C'est Non mais une c'est vrai, odeur de nègre. non mais les gens pensent que c'est un mythe, que enfin Ah non, non, non, non. les gens qui connaissent pas les nègres ou ou alors les pétasses qui baisent avec des nègres, mais les gens qui sont sincères et raisonnables savent que le nègre pue. Enfin ça, le Ah nègre mais. pue, quoi, c'est pas. Imaginez, alors j'étais avec trois autres nègres dans la petite bagnole là, avec les bagages et tout, ça puait le nègre et tout, en plus il faisait froid, donc je pouvais pas trop ouvrir la vitre, sinon les gens gueulaient, donc ah, c'était insupportable quoi. Ah putain, Sentez ouais. un nègre, vous devenez raciste, hein, normalement. Ah la vache, putain. Ah, imagine être Macron dans le vestiaire de l'équipe de France un soir de Coupe du Monde, là, tu vois, tu douilles, là, tu vois. Putain, Ouais, Poutine, Macron j'ai à un polo. Saint-Martin. Non mais lui, il aime ça, lui. Oui, mais oui, ben, il est comme les putains nègres, il aime les odeurs fortes. Tout à fait, ouais. Fulbert, on a parlé Oui. de la Belgique, là. Alors, ton bled est infesté, visiblement, de nègres. Mons, Charleroi, on apprend que c'est repeuplé. C'est repeuplé. Du coup, tu confirmeras probablement sans grande difficulté, je présume. Je sais pas. Non, absolument, je confirme. D'ailleurs, moi j'ai une ville qui a été citée là, qui est. Je suis à la limite de sa périphérie, limite extérieure, je précise. Je n'y fous plus les pieds. C'est aussi simple que ça. Pour des tas de raisons, pas seulement pour les nègres, mais il y a aussi le... Comment dirais-je? Oui, le fait que tu ne sois pas musulman, déjà, ça joue. Il y a ça, oui, effectivement. Mais avant ça, il y a aussi le piège à con que deviennent ces villes de par leur gestion socialiste. Ouais. C'est-à-dire que dès que vous arrêtez votre voiture le long d'un trottoir, ah ben ça y est, il faut raquer, quoi. Hein? Partout où vous arrêtez, il faut raquer, systématiquement. Comme je me suis fait avoir une fois, j'ai pris une amende, bon ben j'y fous plus les pieds, c'est fini, c'est vraiment un piège à con. Oui, nos auditeurs qui se demandent pourquoi y a-t-il tellement de radars, de parcs-mètres, de trucs, ça, vous croyez que la Mecque s'est construite en un jour? Eh, les mosquées, ça coûte, hein? Faut payer, les gars, faut payer. Comment vous Ouais, croyez qu'on a des belles mosquées flambant neuves dans nos belles communes? Voilà, stationnement. Les maires ont peu de marge de manœuvre, hein, faut y penser. mais... Petit détail, la fois où je me suis fait ramasser, ça remonte à quelques années. Il y avait sur des boîtes qui distribuent des tickets, vous allez chercher un ticket, pour avoir le ticket, il faut payer, vous l'affichez à la voiture, et le temps est limité, bien entendu. Mais le plus fort, c'est que les boîtes étaient toutes en peinture grise, c'est-à-dire en peinture mûre. Et la fois où je me suis fait ramasser, ce n'est pas pour dire que j'avais été honnête ou quoi, non, mais franchement, la boîte, je ne l'avais pas vue. Elles sont invisibles et camouflées. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais bon, voilà. Bon là on s'écarte un peu du covoiturage pur, mais c'est vrai que les pouvoirs publics, comme on dit, c'est-à-dire les politiciens véreux qui contrôlent le gouvernement, ce qui est vrai en Belgique comme en France, hein, je veux dire, il n'y a pas de distinction, Absolument. hein, ils ont des trésors d'imagination. Alors là pour le coup. Alors là, les Chinois peuvent repartir chez eux, les Américains au revoir, etc. Alors là, sur ce domaine-là, on est en pointe. C'est comment créer des nouveaux radars plus performants que ceux de l'année précédente. Alors maintenant, j'ai vu ça. On a des bagnoles. Enfin, c'est pas des radars dans des radars embarqués. C'est encore plus que ça, mais j'ai oublié la technologie. Mais les trucs qui vous flashent pour tout, téléphone portable, vous êtes truffés. Ils identifient les trucs, je crois qu'ils veulent même faire rentrer les réseaux sociaux. Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant. Des radars multifonctions qui rentrent en service. Là, cette année encore, des radars multifonctions. Ils chopent tout, tout. C'est incroyable. Donc voilà, on s'écarte un peu, mais bon, c'est la soif de pognon des autorités est juste effrayante. Tout ça pour votre sécurité, c'est bien entendu. D'ailleurs, c'est pour cette raison essentielle, hein, de la sécurité. Hein, parce que c'est quand même dommage d'avoir des gens qui meurent, c'est pour ça qu'on fait rentrer des centaines de milliers de bougnoules et de nègres en France, bien évidemment. Hein, c'est là aussi très logique. Hein. Voilà, mon Dieu. Bref, covoiturage. Alors, moi, j'ai pas fait de covoiturage. Qu'Allah soit remercié. Pour la raison simple, c'est que je fais confiance à personne. Donc voilà. J'en fais pas parce que. J'ai lu trop de faits divers, il a pris en stop, machin, tu sais, on le retrouve planté dans un chemin, tu vois. Donc, voilà, non, c'est. Surtout avec des nègres et des bougnoules, alors ah, putain, alors là, encore moins. Question que j'ai, comment fait-on pour ségréguer les personnes avec qui on ferait du covoiturage? Il y a quand même une façon, non? Je veux dire, ou alors non, c'est des pseudonymes, Non, bah sur BlaBlaCar, normalement les profils qui n'ont pas de photos sont pas beaucoup pris. Donc normalement tu vois la personne, mais c'est vrai tu peux faire une réservation ou placer Ah ouais. un trajet pour quelqu'un d'autre. Ça, rien ne te l'empêche. Alexis Dupont, 33 ans, cadre supérieur, t'arrives là, tu sais, tu vois une espèce Mais de. faut lire les petites Les reviews. ouais voilà les appréciations des autres. Hein. Et puis normalement tu vois que si Rachel s'appelle Saïd, c'est qu'il y a un souci. Mais par exemple, si tu veux aller faire du covoiturage, si tu vas dans une voiture, tu sais qui est le conducteur, tu sais qui sont les autres passagers, par exemple. Non, je crois pas. Je pense pas. Enfin, je sais pas, je connais pas l'application, j'ai pas Ouais, été voir. donc tu vas tomber sur des nègres quasiment tout le temps. Ah, faudrait créer une nouvelle application, SSCAR ou un truc comme ça, tu sais, Oh, oui, ça, oui, où voilà. Il faudrait y a qu'on ait le droit de discriminer. que des blancs. Il faudrait qu'on ait le droit de discriminer en France, Ouais, bon. ce qui est de la science-fiction. Oui, donc On a le droit de imagine, discriminer oui. les blancs en France. Hein. Imagine, tu fais cette application-là, bon, tes premiers clients seront le GIGN. Hein. Oui. Ah ben non, mais on voulait juste faire de la voiture ensemble. Ah oui, ben non, connard. Mais par Ah, ça me contre, ça rappelle existe quelqu'un, déjà, hein. tiens. T'as déjà des sites de covoiturage entre musulmans. Enfin, entre bougnoul, mais ils disent entre musulmans. Là, ça existe. Oui, Ouais, mais c'est pas là pareil, ça ça va. c'est la liberté de Ouais. conscience, ça n'a rien à voir. Ils sont dans le djinn, tu comprends? Voilà, c'est ça, c'est bon. Et puis toucher Koufar, ça. Tu comprends pas. Ah ouais, non mais c'est ça se passe ça. C'est bon. Ah oui, j'ai vu ça. Non mais il y a une application, il y a un site, comment ça fonctionne? Ouais, je suis en train de lire ça. Safarina, ça existe. Hein. Premier covoiturage islamique. Voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Putain, mais En attends, France, hein. Enfin, en mais moi, France, je veux dire, c'est fantastique. je vais vous dire le truc. L'avenir. Toutes nos idées, tous nos trucs, c'est de faire passer ça en religion. Je suis pas un religieux. Ce que je veux dire par là, c'est de dire, voilà, bah non, ce sont des convictions religieuses. L'ordre du créateur. Oui, non, un truc un peu plus flou, comment dirais-je, je sais pas, il y aurait quelque chose à creuser, mais de dire, non, non, mais ça, c'est liberté de conscience. Oui, c'est liberté de conscience. Laïcité, Oui, mais voilà. ça. Alors, tu penses bien que ça Non, non. marchera pas, L'ordre de la maçonnerie, le Coderme. Vous voyez, j'ai déjà un truc là. Donc c'est maçonnique, c'est bien, vous voyez, c'est quand même républicain. Ah non, l'ordre de la maçonnerie républicaine, le Coderme. Mais c'est le Coderme, c'est-à-dire qu'on a un problème. C'est pas compatible avec les pots non clairs. Ouais. Va falloir creuser hein, un concept là-dessus. Hein, mais bah, si les musulmans ils peuvent ségréguer, je veux dire. Non mais dans leurs conditions d'utilisation, c'est sûr qu'ils disent oui ou non, mais. Si vous n'êtes pas musulman, vous acceptez en fait que c'est pas vrai, quoi. Mais Oui, voilà. De toute façon, tu vas sur un site pareil que si t'es musulman. Sinon, ça oui, devient pas l'idée, quoi. oui, oui. l'islam est une religion qui a tellement bonne réputation, tout le monde a envie de se précipiter pour utiliser un truc comme ça, tu vois. Bien sûr. Quand t'es pas musulman, j'entends. Ah ouais, tu te Et si t'entends précipites. le type crier Allah Akbar pour se donner du courage, hein, comme la fameuse. Putain, ça se trouve, c'est une organisation, tu vois, pour monter des opérations suicides avec des véhicules, tu vois. Ah bah oui. Quelqu'un d'autre sur ce covoiturage? Non, non, mais le covoiturage, vous avez vu, ça met pas longtemps en fait. Donc, je savais même pas ça, mais il y a du covoiturage confessionnel, enfin ethno-confessionnel, strictement, bien évidemment, privilège strictement réservé donc aux gens qui souffrent, hein, donc aux musulmans. Les juifs ont déjà toutes les excuses où trouver, c'est-à-dire l'antisémitisme, hein, voilà, faire du covoiturage entre Oui, juifs. oui. Bon, bah, voilà. Bah non, mais Bon, ils ont même faut pas besoin pas qu'ils en d'excuses, mais fassent. bon. Enfin, bon, je pense pas qu'ils en fassent non plus, du coup, tu vois. Ce sont pas des gens qui ont confiance non plus. Hein. Puis ils ont la police nationale pour les protéger de toute façon. Donc... Oui. Oui. contrairement aux Français, quoi. Je veux dire, bon, eux, ils ont la police. Bon. Quelqu'un d'autre là-dessus ou pas? Est-ce que j'ai un peu une question à vous poser, d'Eric. Toi, est-ce que tu oserais le covoiturage? Non, pas du tout. Pas du tout. Fulbert? Déjà, les transports en... Déjà, prendre l'avion, ça me gonfle. Donc, faire du covoiturage, avoir un étranger, ou alors aller dans la voiture de quelqu'un, ça me... Mais déjà, je craindrais. Même mes proches, quand ils conduisent, je crains. Ouais, J'ai toujours peur de mourir au croisement qui arrive, tu vois. Donc, non, sans façon. Fulbert? Moi non plus. Moi non plus. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni Eh passager, bah. ni. Mais bon, non plus. Nous sommes d'affreux paranoïaques. Oui. Bah oui, moi je ne m'imagine pas faire un voyage avec des bougnoules et des nègres. Donc, ou des chiteux blancs dégueulasses, ça me. Ou des chiens de nègres. Hein, parce que, là, Ou des enfin, chiens de notre nègres auditeur qui pètent, est qui allé, pètent. est allé Le chien, jusqu'à. il a quand même bien pué parce qu'il arrive à couvrir l'odeur du nègre. Avoir la dysenterie, le chien, c'est pas possible. Où il avait bouffé un nègre. On n'en sait Oh rien. merde. Oh putain. Bref. Ah, bon bah donc le covoiturage, une autre fois peut-être. Ou alors on va créer Blanc-Blancard. Ah, pas Oh. mal. Oh là là. Les grosses têtes. Caca-car. Les grosses têtes. Alors courrier numéro 3, et ce sera le dernier de notre rubrique. Bonjour et bonne année à toute l'équipe. C'est un plaisir de vous écouter et je souhaite apporter ma contribution en livrant ce courrier des lecteurs tout en vous souhaitant une longue vie. Je veux parler des élections municipales qui vont avoir lieu en mars et plus précisément dans une ville que je connais bien, la noble cité des rois. C'est ici qu'ils sont enterrés. C'est la ville de Saint-Denis dans le 93. Ce qui s'y passe est très intéressant car, comme tous les démocrates participatifs le savent, c'est une ville où la population a déjà été grand remplacée. Les Français de souche doivent représenter à peu près 10% de la population des 115 000 habitants officiellement recensés dans cette commune. Mais cette fois-ci, ce sont les élus complices du grand remplacement de population qui sont l'objet d'une tentative de remplacement, ce qui rend la situation cocasse. En effet, la ville de Saint-Denis est une ville où règne le Parti communiste depuis 1920, de façon quasi continue. La seule parenthèse fut la période où Jacques Doriot évolua vers le PPF, le Parti populaire français. Et les derniers édiles sont tous des franchouillards bien de chez nous. L'inénarrable boomer Braouezec, suivi de Payard, un autre boomer, et actuellement Laurent Russier, qui est maire depuis la démission de Payard en 2017. Si donc, niveau élu, on est dans l'entre-soi bien franchouillard, la municipalité a toujours soutenu très massivement l'immigration avec des initiatives que l'on ne trouve qu'ici. Je ne compte pas le nombre de parrainages républicains où des élus parrainent un clandestin dans le but d'obtenir plus rapidement des papiers. Saint-Denis est également une ville qui a deux conseils municipaux, l'officiel, mais aussi un deuxième formé que d'immigrés, appelé très pompeusement Conseil consultatif des citoyens étrangers. Bref, l'immigration y a toujours été encouragée, la mairie communiste assumant d'ailleurs cette position, encourageant le grand remplacement, car elle y avait intérêt. Quand les Blancs quittaient la ville pour aller loger ailleurs, ça ne pouvait que faire plaisir aux communistes, car ces Français n'étaient pas forcément leurs électeurs, alors que droit du sol et naturalisation à grande échelle leur apportaient une nouvelle clientèle électorale. Aussi, pour faire bonne mesure et s'adapter, les communistes ont intégré quelques halogènes tout en étant français de papier pour composer des listes. C'est ainsi qu'un certain Bali Bagayoko, malien d'origine cadre de la RATP et qui meublait ses loisirs en jouant aux entraîneurs de basket avec des jeunes de cité, fut appelé par Braouezec pour intégrer la liste Parti communiste en 2008. Il fut élu et devint maire adjoint chargé au sport. Tout était bien, les communistes allant même à le faire élire conseiller départemental, permettant à Bagayoko de dépasser les 100 000 euros de revenus nets par an, dont la moitié venant de ses mandats électifs, l'autre moitié de la RATP, car Bagayoko travaille toujours à plein temps dans cette entreprise publique où il semble qu'en dépit des responsabilités, on ait beaucoup de temps libre. Autant le dire, ce n'est pas en restant dans sa brousse qu'il aurait pu espérer une telle rétribution. Mais le problème pour les communistes, c'est que l'appétit vient en mangeant et que Bagayoko veut maintenant devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire maire à la place de Russier. Au départ, Russier jouait les étonnés, disant ne pas comprendre les motivations de Bagayoko, que leur bilan était commun, qu'ils étaient dans la même équipe, etc. etc. Et donc lui demandait de rester sur sa liste à une place de maire adjoint. Mais Bagayoko restait sur ses positions et décida de créer la liste en l'ouvrant à tout ce qui est diversité. Il a tout de suite été rejoint par un certain Majid Messaouden, on le connaît sur Twitter, connu pour avoir organisé la manif pro-islam place de la République à Paris en novembre dernier et dont le but est d'apporter à Bagayoko l'électorat musulman. Il faut savoir que Messaouden est aussi un bébé des communistes, sans eux il ne serait rien, puisque ce sont eux qui l'ont fait élire au conseil municipal et lui ont confié le mandat de lutte contre les discriminations au sein de la ville. C'est donc à une tentative de putsch par des halogènes, plutôt ingrats, que l'équipe communiste sortante est confrontée. Car cette liste Bagayoko est clairement communautaire, même si pour la forme elle a revêtu l'étiquette France Insoumise. Le plus amusant est que les communistes ne savent pas comment s'y prendre pour contrer l'offensive de leurs anciens amis. Ils disent bien que le bilan présenté est commun, d'ailleurs les membres de cette liste sont encore membres de la majorité municipale, leur délégation ne leur ayant même pas été réitérée. Par exemple, Bagayoko est aujourd'hui encore maire adjoint, mais Messaouden responsable des luttes contre la discrimination, etc. Il n'y a pas de différence dans les projets pour la prochaine mandature, tous vénérant l'immigration et les impôts. Il y a néanmoins, quand même, deux listes, celle de Russier et celle de Bagayoko. Le PC est pris à son propre piège. il ne peut pas dénoncer la réalité et dire la vérité, c'est-à-dire que la liste Bagayoko est une liste communautariste, car il serait tout de suite taxé de racisme et il y aurait beaucoup d'opprobre, y compris dans ses rangs. D'autant que Bagayoko a eu l'intelligence de se mettre une étiquette politique. La situation pour les prochaines municipales est incertaine. Europe Écologie Les Verts, dont la plupart des militants sont aussi des Blancs, a compris la tentative communautariste, et c'est pourquoi EELV a rejoint Russier. La liste PC-EELV remportera l'électorat bobo, présent dans les quartiers de La Plaine et de Pleyel. Les Blancs représentent à peu près 30 à 40% de l'électorat, car les immigrés n'ont pas le droit de vote, ce qui explique aussi pourquoi la ville de 115 000 habitants n'a que 45 000 inscrits sur la liste électorale. Le résultat dépendra en fait de la mobilisation des cités et des musulmans. Si ceux-ci se mobilisent fortement, alors les chances de Bagayoko de battre Russier deviennent réelles. Ce n'est néanmoins pas sûr, l'abstention ayant toujours été très très forte. En cas de victoire de Bagayoko, le communautarisme pourrait tout emporter. Aux prochaines législatives, Messaouden pourrait se présenter contre le député parti communiste actuel Stéphane Peu et lui ravir le siège. Car, à part ces deux listes, je n'en vois pas d'autres l'emporter. En Marche a une liste, conduite par un Sénégalais, français de papier, Alexandre Haïdara, ancien militant du MRAP. Il fera un score honorable, mais ne remportera pas la mairie. Le nord-africain Ouari Garmat, pour la droite classique, a encore moins de chance, ce dernier du reste se définissant comme antiraciste primaire, dixit. Le PS est emmené par Mathieu Hanotin, qui s'enorgueillit d'avoir été très jeune un militant antiraciste et qui a très peu de chance. Les communistes ont une haine tenace à son égard car il y a 6 ans, il avait failli emporter la mairie et surtout lors des législatives de 2012, il avait bâti Braouezek à la députation, avant de se faire battre par Stéphane Peu, Hanotin ayant été député de 2012 à 2017. Mais son étiquette, Parti Socialiste, qui lui avait servi de marchepied il y a une dizaine d'années, était devenue un véritable handicap aujourd'hui. Le Rassemblement National n'aura pas de liste, incapable de réunir 53 noms pour constituer une liste. Les dents sont acérées, car il y a plus à grignoter qu'un fromage. Le budget de Saint-Denis, c'est 300 millions d'euros par an, soit 1,8 milliard sur la durée de la mandature, 6 ans. Autant dire de quoi se goinfrer et voir les communistes attaqués par leurs protégés et être victimes de leur propre stratégie. C'est un plaisir de fin gourmet. Et c'est Lionel qui nous envoie ce rapport très détaillé de la situation politique à Saint-Denis. Alors, avant de donner la parole à nos participants, j'observe que, très curieusement, et je m'étonne de ça, Lionel n'a pas parlé du fait que, comment dirais-je, Alexandre Benalla, bon, Alexandre, oui, Benalla, oui. Hein, c'est un nom d'emprunt, c'est Marwan, hein, c'est Marwan Benalla, s'est pointé à Saint-Denis pour dire qu'il allait décommuniser la ville. Alors rassurez-vous, c'est pas pour établir un état fasciste, autoritaire certainement, mais pas fasciste au sens où on l'entend, beaucoup plus islamique déjà, mais il s'est pointé en disant qu'il allait virer les communistes. Alors, il bat le pavé, oui. il va pointer son nez dans des établissements à droite à gauche, il va discuter avec des halogènes du cru, mais il n'a pas dit, effectivement, il n'a pas dit pour qui il appelait à voter, ni quelle était son inspiration. Donc c'est un petit peu le suspense. J'ai tendance à penser que c'est plutôt vers des gens comme... Bah, on va voir, je vais pas m'avancer, je ne sais pas. Donc on va voir. Mais très clairement, il y a des trucs qui se passent à Saint-Denis. Bon, maintenant je vous donne la parole. On apprend des choses très intéressantes. Donc les communistes se font enfin putcher de leur fief par leur... Voilà, enfin les communistes vont se faire dévorer par les nègres. Moi, c'est... Depuis que ces gens-là ont pourri nos territoires dans lesquels nous avons grandi. Pour certains, moi en l'occurrence et beaucoup d'auditeurs, je pense, on attend de voir les communistes se faire dévorer et de finir en brochette. Donc les Braouzek et compagnie, mangés par les Bagayoko. Mangés par les Bagayoko. Je veux voir du sang sortir de la bouche de Bagayoko, du sang de rouge. De rouge breton, tu veux dire. Du rouge breton. J'ai tendance à confondre les deux. En plus, je discerne assez mal la différence. Alors non, ça va être moi je découvre la sociologie de Saint-Denis. C'est pas une ville que je fréquente. Je rappelle pour les auditeurs les plus jeunes et pas nécessairement très au fait des subtilités de l'histoire de France que c'est quand même la nécropole des rois de France. La négropole. Oui, la négropole des rois. Le négropole, c'est le négropole français maintenant. Le siège de l'Éternel. C'est ça, tout à fait. Alors, mais vous avez accès à la basilique, cher cardinal? Vous a-t-on remis les clés? Vous êtes en droit de les demander, vous savez. Enfin, ah, la... bah, bien sûr, oui, je vais. Je suis là avec, avec ma coiffe hein, et le bâton du pouvoir pour prendre place. J'attends. Oui, que Bayagayoko soit intronisé finalement. Ce qui nous fait un beau symbole quand même de la trifonctionnalité indo-européenne. Hein, le cardinal donc, de l'église de négrologie en sa basilique de Saint-Denis, invité dans les lieux quand même par le pouvoir temporel représenté par Bagayoko, sous les acclamations du peuple, du bon peuple de Saint-Denis, que sont donc les musulmans et les maliens et les nigériens, qui sont là grâce à l'intermédiaire donc de ces croyants que sont les membres du Parti communiste. C'est une belle fable, une fable française finalement. Finalement, tout ça est très français finalement, je trouve. Oui, oui. C'est la France éternelle. Éternelle, quoi. Oui, éternelle. Oui. Pierrot, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle sociologie d'alliance tribale? Ouais, alors autant sur le plan national, les MedTech, ils votent un peu comme comme pour leurs intérêts, en fait, de leur portefeuille, comme toujours. Donc, ils prennent pas de risque à voter pour des listes un peu communautaires. Ou même pour des trucs un peu plus grands, on va dire. Bon, bref. Ils ont déjà essayé, en fait, de faire des listes communautaires, mais généralement, ça prend pas. Les types, ils font 1 ou 2%. Par contre, pour les trucs, voilà, vraiment du coin, donc là, on est en plein dedans, ça peut marcher, parce que, quelque part, quand ils votent pour des listes communautaires, ils ont pas d'intérêt particulier, parce que finalement, par exemple, Macron, il leur donne déjà le pognon des blancs, la CAF, tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est déjà du acquis. Par contre, si jamais le Baga Yoko, là, je sais plus le nom du singe là, arrive à être maire, moi j'ai envie de dire aux blancs de Saint-Denis, si en reste, hein, révoltez-vous parce que là ils peuvent vraiment vous pourrir la vie, quoi. C'est-à-dire que là, alors les blancs qui restent à Saint-Denis sont tous des gens d'extrême gauche. Hein, ah bon. je me permets de te le faire observer. Non, je veux dire, de manière purement pratique, là, tu auras des assos qui seront très clairement visés, qui vont être dissoutes, d'autres qui vont être plébiscités. Bon, c'est déjà un peu le cas, vous me direz, mais je le conçois bien. Il y aura bien sûr des traitements de faveur de la corruption, tout ce qui va être halal, la circulation qui va être différée le vendredi, le jour de la prière. Enfin, ça peut être un enfer sur Terre, hein, vraiment. Donc, on veut précipiter un peu le chaos et donc on installe une mairie islamiste en France. Pourquoi pas? C'est un beau projet, la première mairie islamiste de France. J'ai bien aimé la mention du budget qui c'était vraiment une belle musique à mes oreilles. 300 millions d'euros par an. Bah, c'est les blancs qui payent, donc c'est bon. Hein, 1,8 milliard. Non, attends, déjà les nègres n'arrivent pas à se gérer, mais là les nègres veulent gérer une ville, quoi. Ils ont le budget du Bénin à gérer en 6 ans, enfin je sais pas si t'imagines, quoi. C'est... Ouais. En fait, il suffit de regarder c'est quoi le Bénin déjà. Bagayoko va pouvoir téléphoner à la moitié des États africains en leur parlant, tu vois, sur un ton très arrogant, tu vois, c'est quand même impressionnant à voir. Hein. Et ça, la France le permet. Moi je trouve ça magnifique. Ouais. C'est une vraie promesse républicaine, ça. Ouais, ça c'est il va peut-être investir, tu sais, dans les cartes téléphoniques qui permettent d'appeler en Afrique de manière illimitée. Ça va être sa première mesure. Il va les distribuer aux gens, tu sais, aux riverains. Le maire, tu vois, le nouveau maire distribue. Enfin, voilà, c'est... Non, vraiment, ça peut... Non, mais tu ça mets un nègre à la tête d'un truc comme ça, avec 300 millions de budget par an, etc. Mais il dit un fou. Ça va être le Il prend le melon, il prend le melon, pour le coup. Moi, je suis sûr. Hein. Il va monter une Kadiba avec des pick-up. Il va aller rasier les communes voisines. C'est garanti, ça. C'est sûr. Vous allez le voir avec ses dents blanches. Vous allez le voir arriver. RATP, qui va remplir des rames entières, etc., de miliciens, des espèces de cannibales, tu sais. Et puis les mecs sont tous des clandestins, mais, ils n'ont rien à branler. Boko Haram, quoi. Boko Haram. Non, mais prenez du recul quand même, 2 minutes pour vous rendre compte de la chose. Je voulais juste dire un truc, je te donne la parole. Ce qui fait mal, pour être un peu plus sérieux, après on reprend un peu le ton de l'humour, mais c'est quand même la ville de Jacques Doriot. Ça fait mal. Oui, ça, oui. Ça fait mal quand même. Je veux dire, ça fait mal. La ça France est passée de Jacques Doriot à Bagayoko. Voilà, Bagayoko. Ouais. Non, mais je veux dire, tous les récits d'extrême droite, le prix complètement fou, etc. C'est-à-dire, c'est notre vécu. Bon, je te redonne la parole, cher Derek. Je voulais juste le souligner. Oui, non, mais concernant ce Bagayoko, c'est assez, comment dire, c'est assez caractéristique du traitement qui est donné à ces nègres, tu vois, ces nègres qui sont les perles de la nation, les joyaux de la République, hein, comme j'ai l'âme à les appeler. Ce nègre-là est donc un nègre qui, je crois, fait du sport, enfin, éducateur sportif, c'est-à-dire c'est un nègre sauteur, hein, il fait des sauts sur place. Comme il sautait de bien, on l'a foutu à la RATP, donc pour ne rien foutre. Donc le type Comment ça pour est rien foutre? sûrement syndicaliste, bah, la RATP, quoi. Hein, bon, Non, mais déjà, être un nègre, c'est un boulot à temps plein. Déjà. Je me permets de le faire observer. oui, donc, oui. Donc RATP, donc c'est un chapon nourri au lait, quoi. Hein. C'est on l'a mis à s'engraisser à la RATP. Et là, donc, bon, tu vas être maire adjoint, Bagayoko. Viens, viens. Allez, donc, et puis, bon, demain maire, après-demain Des putes. empereur, je sais pas. Ah Moi, je oui! pense qu'on a Ah, là c'est le. bien ça! Oui. Ah non, non, non, roi! Roi Ah nègre! oui, Roi il faut. nègre! La basilique Saint-Denis! Ben voilà, j'ai trouvé! Oui. Clovis, Du royaume! nouveau Clovis. Clovis! Putain! Alors là, et par contre, hein, je vous dis tout de suite, l'action française signe tout de suite. Oh là, ben je pense qu'ils ont l'espoir déjà. Hein. Ils ont déjà prévu la chose. On va rétablir la monarchie. Ah Solo, selon des conditions un peu différentes, mais pas tellement différentes, hein, pas tellement, tellement oui. différentes. Mais... Voilà, En bon. suivant le modèle britannique, Voilà, oui, bien de l'idée. voilà, c'est ça. De toute Oui, façon. non, mais ces gens-là aiment bien rappeler que le Royaume de France n'était pas raciste, contrairement à ces salauds d'anglo-saxons. Salaud d'anglais. Bah, du coup. Bref, Bagayoko, roi nègre, roi de France, roi des Francs. Francaoui. On change de couleur, on passe de la ville rouge à la ville noire, quoi. Donc, intéressant. La France va Non, bien. mais il faut bien, bah, il faut bien que, quand même, à force de nourrir Oui, c'est ces non, enfin, je veux dire, nègres. il y a une leçon, c'est ça, il y a une Voilà. leçon, il y a une leçon. Bah oui, il y a une leçon, ouais, il y a une leçon que il faut que ces nègres-là, à force d'avoir été engraissés, il faut maintenant qu'ils prennent le pouvoir, parce que c'est la génération qui arrive. C'est la France de demain, cher ami. Alors, encore que celle-là, Même tu vois, encore cela, c'est déjà aujourd'hui, hein. il fait encore semblant, en fait. Là, le Bagayoko, je pense qu'il fait encore semblant d'être coulant. Oui, Mais bah oui, parce que je oui. pense que c'est la génération d'après, donc dans 20 ans. Alors là, par contre, ça sera vraiment Boko Haram. Hein. Là, ce sera vraiment. J'espère de tout cœur. Ah, bah, d'ailleurs, c'est tout l'objet de ton sacerdoce. Ah, exactement, exactement. Exactement, exactement. Quelqu'un d'autre sur cette. Oui, c'est les municipales. C'est vrai que c'est les municipales. Moi, je suis pas branché démocratie. Donc, bah là, pour le coup, là, c'est un exemple très concret de ce à quoi mène la démocratie. Hein. Vous avez vu, là, c'est. Donc, en gros, la démocratie, c'est la logique du marché. Hein, faut des consommateurs, peu importe la couleur, etc. Parce que un consommateur égale un autre consommateur. On s'en fout s'il est français, si ses ancêtres sont là depuis 2000 ans ou s'ils viennent d'arriver parce que l'autre il est clandé, mais on va quand même le régulariser. Voilà, bon. Ça, c'est une magnifique démonstration de l'apport républicain en France. Je trouve que c'est une très belle leçon de choses. Et c'est très bien que les communistes mangent leur merde. Et je suis très content de voir cette fin de race de rouge. Être évincé par des cannibales venus de je ne sais où d'Afrique de l'Ouest, c'est très très bien. Avec les musulmans en embuscade, vous avez vu, il y a deux clientèles, hein. Il y a Oui. Bakayoko, mais il y a le Messaouiden derrière. Il est là. C'est pas encore la même Bah, c'est-à-dire population. qu'il veut les deux vont, le bon le nègre Bakayoko est un nègre musulman, mais c'est avant tout un sale nègre. Oui. Et ça, Messaouden, tout anticolonialiste, mes couilles et compagnie qu'il soit, il sait qu'il a affaire à un nègre. Donc oui, il le soutient pour Comme la corde ben soutient le pendu. Oui, exactement, c'est ça. Il le soutient pour virer les reliquats de blanc et commencer à taper dans la caisse. Mais dès qu'il aura des ressources à se mettre sous la main, crois-moi que ça va être Ça va être le Mali. les Ça va être gris qui vont. le Mali, ouais. Oui, ça va être le Mali, exactement. C'est-à-dire que les Touaregs qui vont faire des raids contre Contre les les nègres. euh, Contre les nègres du sud, ouais, c'est ça. Ouais. Et la France devrait intervenir, je pense, avec son armée pour essayer de rétablir un semblant d'équilibre. Ah bah il va y avoir, je pense, une extension de l'opération Barkhane, qui est une opération de garderie des, hein, de, la vocation de l'armée française, c'est de servir de garderie à ces populations-là, parce que et puis accessoirement d'aller de se tuer de temps en temps, parce que. Pour le sacrifice pour Yahvé, bien entendu. Mais voilà, il faudra faire pareil bientôt à samedi, oui, tout à fait. Alors du coup, on va faire quand même des économies très sérieuses au niveau logistique. Par contre, pour le coup, ça c'est un des points positifs. Non, il faudra payer tout le temps. Il faudra payer. Oui, c'est vrai. Mais en essence, au moins, en gasoil, on va faire une petite économie quand même, je veux le croire. Ah oui, ce sera plus rapide, disons. Oui. Ce sera plus rapide. Le théâtre des opérations sera plus facilement atteint, oui. C'est ça, voilà. Bon. Et voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Et bah voilà. Tout à fait. Voilà, en parlant de verre à moitié plein, je tiens à noter que Front National donc, n'a pas réussi à constituer une liste. Moi, je vois le lien entre le verre à moitié plein et Marine Le Pen aime bien torcher. Bon. Alors, non, mais attention, au plus grand regret de Marine Le Pen, hein, je veux dire... Oui. Et de Jean Messia. Ah oui, oui. Je pense que Jean Messia doit se tordre de douleur, quoi. Comment ça, Jean? Oui. Oui. Oh putain. Oui. Oh là là. Je mérite punition pour ça. Oui. Oh Sam, autant pour moi. Oh là là. Ne trouvez-vous ça pas ironique que Marine Le Pen ait plus de succès finalement en territoire musulman, c'est-à-dire à Mayotte? Quand c'est un et pourtant, bah oui, ouais. Et pourtant bah, cœur y est, hein. Peut-être parce qu'il y a encore un petit peu trop de blanc. C'est vrai. C'est Saint-Denis, quoi. Ouais. En tout cas, ce que je sais, c'est que si le RN avait réussi à monter une liste en Seine-Saint-Denis et à avoir comme à Mayotte 40% de vote de nègre, hein, je sais que Marine Le Pen hurlerait à corps et à cri pour une vraie politique d'investissement en Seine-Saint-Denis et qu'on investisse enfin à la hauteur des besoins de ce territoire qui, hélas, est tellement abandonné par les pouvoirs publics. Je crois que... le nègre est con, mais si tu donnes de l'argent, apparemment, il devient intelligent. Alors, voilà, c'est ça. Quoi. Ah oui, non, mais je sais. Non, mais les gens trouvent ça drôle, mais le RN est déjà sur cette position-là avec Mayotte. Hein, je veux dire, bon, s'il y en a qui se posent des questions, c'est... Voilà, bon. Je mets les gens si, au courant. Si Marine Le Pen, je pense qu'elle elle doit être en train de préparer des charters de Mahorais pour venir en France. Parce que, ouais, pour reconquérir le terrain perdu. Oui, le Mahorais est, je crois, proportionnellement, c'est la population qui vote le plus Front National. Hein, De loin. Par contre, comment dirais-je, je pense que hein, dans la fan base, hein, donc la. Chez les fans de Marine Le Pen et des gens qui soutiennent Marine Le Pen sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a beaucoup c'est une réalité. La majorité des fans de Marine Le Pen préféreraient remplacer n'importe quelle ville blanche qui voterait Macron par des Mahorais qui voteraient Rassemblement National. Je vous mets ma main. Ah bah oui. Des patriotes avec un os d'armée. C'est-à-dire qu'il faut voter juste pour le bon client. Bon, avec des nègres, hein, ouais, si tu vis dans un enfer nègre. Mais non, mais ce qui est important, c'est la forme. C'est très. Marine Le Pen, voilà. On sait pas pourquoi on vote pour elle, mais Marine Le Pen. Voilà. Bon, eh bien, les municipales s'annoncent intéressantes. Je pense que. On va peut-être voir une percée hein, de ces listes raciales. Parce que quand il dit communautariste, en fait, on se comprend pas trop parce que c'est une espèce de langage républicain qui est un peu crypté. Non, le pudeur républicaine. Oui, voilà. Non, c'est des listes ethniques. Hein. C'est des listes ethniques, ethno-confessionnelles, ethno-raciales. C'est des listes qui sont uniquement motivées par la haine du blanc. Hein. C'est tous les métèques qui se rassemblent contre les blancs chez eux sur leur terre. Hein. Donc quand on parle de listes communautaristes, ça, c'est espèce de mot de passe là, entre tous les républicains bontins pour pas se faire taper sur les doigts pour motif de racisme. Mais non, on parle bien de listes tribales. Animé par une haine fanatique de tout ce qui peut être blanc, de tout ce qui peut être français, voilà. Je traduis, hein, parce que c'est vrai que quand on lit la presse mainstream, on comprend pas toujours les mots qui sont utilisés. Voilà. Je pense que quand vous entendrez le mot communautariste, bon, vous le savez déjà pour la plupart, tous les auditeurs, hein, la plupart des auditeurs savent de quoi il retourne, mais c'est très important d'utiliser les bons termes. Hein. Donc une liste raciste, anti-blanche, tribale, afro-musulmane. Voilà. Ça c'est français, ça c'est la langue française. Là on se comprend. Alors messieurs, avant de faire une pause musicale, brièvement, autisme radical, j'ai trouvé une cliente pour vous qui serait probablement une excellente électrice de Europe Écologie Les Verts à Saint-Denis, qui déteste le fascisme. Elle est le fascisme. Et interrogée sur sa haine du fascisme, elle nous en dit plus. On l'écoute et on se retrouve. Qu'est-ce qu'évoque le mot facho pour vous ? Le mal. Le mal ? Ouais. Le mal absolu ou le mal modéré ? Absolu. Absolu ? Ouais. Il n'y a rien de plus grave que le fascisme ? Pas grand-chose en tout cas. D'accord. Est-ce que vous connaissez des fachos ? Personnellement, non. Vous avez cette chance ? Voilà. D'accord. Et si vous en connaissiez, que feriez-vous ? Je ne les fréquenterais pas. D'accord. Vous avez, par exemple, si vous découvrez que tonton Jean-Baptiste est facho, ouais, ou alors que votre meilleure amie d'enfance est facho, elle vous la cachait tout ce temps, vous couperiez les ponts. Je pense qu'on aurait des débats bien animés avant, et oui, ça finirait comme ça. Pour vous, est-ce que vous pourriez définir le fascisme ? Rapidement, hein, succinctement, parce que je ne veux pas la définition Wikipédia, vous rassurez-vous. Selon vous, quoi. Non, je sais pas. Alors, messieurs. Finalement, vous savez, c'est le loup dont on parle un peu tout le temps. Et c'est celui qu'on n'a jamais vu, en fait. Hein. C'est très clair. Donc, cette... je décris, hein, c'est vraiment une nana qui a l'air un peu pète sec, un peu arrogante, un peu folle du cul aussi, tout ça un peu mélangé, cheveux longs, physiquement pas désagréable non plus. Hein. Bon, c'est pas la femme de l'année, mais je veux dire, elle est pas laide, hein, c'est pas non plus... Voilà. Donc j'ai envie de dire une nana pas trop moche, progressiste, libérale, bobo, voilà. Donc, une nana, quoi. Voilà. Déterminée. Et déterminée. Hein, et elle dit, voilà, hein, donc c'est quoi pour vous le fascisme ? C'est le mal absolu. Alors par contre, quand on lui demande, est-ce que vous pouvez définir le fascisme ? Elle répond, non. Alors là, je vais me tourner vers Fulbert. Fulbert ? Oui ? Qu'est-ce que cette vidéo dit finalement de ce que la masse des veaux pense du fascisme. Moi, je trouve que ça résume à peu près tout. Mais j'aimerais que tu me donnes ton sentiment sur ce passage qui est très court, ça dure 40-50 secondes, et tout est là, en fait. Oui, bah écoute, vu mon âge, moi, j'ai eu de nombreuses fois dans des discussions avec des collègues lorsque j'étais encore en activité, avec des voisins, avec des amis, parce que j'ai ce défaut énorme de parler trop facilement, et bon, ça me fait des amis, mais ça me fait beaucoup d'ennemis. Et lorsque certains me disaient « Tu serais pas un peu facho, toi ?» Des conneries comme ça, en discutant, je disais non, parce que je ne correspond pas, je ne suis pas dans les paramètres du fascisme. Hein, et de façon à amener ces gens à, pas à se poser des questions, mais à laisser vraiment le fascisme sur la table. C'est vrai, c'est pas une blague. Et ça me permettait de leur sortir la définition de Wenner que tu connais peut-être sur le fascisme. Mais manifestement, cette jeune femme dans la vidéo ferait bien de lire Wenner un petit peu. Tu vois ? Je crois qu'elle ferait bien de lire tout court. Ah, sans doute, ouais. Mais c'est vrai que le définir le fascisme, c'est quand même quelque chose, et je crois que tout le monde emploie le mot sans en connaître le sens, ou presque tout le monde. Moi, j'ai retenu un peu par cœur la définition qu'en donnait Wenner. Je ne sais plus dans quel ouvrage ou dans quelle interview, ça je ne me souviens pas, mais il disait à peu près ceci. Le fascisme est un mouvement révolutionnaire né dans les rangs des combattants de la Première Guerre mondiale, lorsque ceux-ci, revenus des tranchées, firent le constat des fortunes et des privilèges scandaleux qui s'étaient établis entre-temps sur leur viande. En fait, moi j'ai interprété ça un peu facilement peut-être, mais c'est la révolte des soldats qui se rendent compte après un conflit terrible, une boucherie, qu'on les a manipulés, qu'on les a roulés dans la farine et qu'on a bien rigolé pendant qu'ils se faisaient démolir. C'est ça le fascisme. Et quelque part, moi je ne vois rien de déshonorant dans le fascisme, rien du tout. Bah, y a rien de déshonorant, mais justement, c'est un travail de démolition qui a été fait après du phénomène fasciste. Parce que finalement, quand c'est intéressant ce que dit cette gonzesse, parce que finalement, c'est plus un thermomètre, c'est pas une analyste, hein, c'est un thermomètre. Elle utilise quand même des mots très forts. Elle dit, c'est quoi le fascisme? C'est le mal absolu. Le mal absolu. C'est-à-dire que c'est le pire du pire. C'est l'antithèse de tout ce pourquoi un être humain voudrait exister. C'est-à-dire, voilà, c'est la négation même de la vie. La négation même de la vie. Vraiment. Hein. C'est le contraire de la religion du bien. C'est l'opposé, c'est le diable. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est déjà, non, je veux dire, le caractère absolu de ce qu'elle dit, de son propos, est tout à fait frappant. Elle dit, c'est le mal absolu. Donc, c'est la négation de la vie, c'est la négation de l'espoir. C'est tout en négatif. Et on devrait se dire, bon, bah, avec des termes aussi forts, aussi comment dirais-je, intransigeants, elle doit avoir une idée vraiment très arrêtée, très claire de ce qu'est le fascisme. Puis quand on lui demande, bah alors c'est quoi le fascisme pour vous? Est-ce que vous pouvez donner une description très, même très générale? La fille est infoutue de commencer le moindre début d'une explication. Donc en fait, on se rend compte que ce qu'ont réussi les médias, c'est à faire du mot fascisme l'équivalent, le synonyme du mot mal. Du mal, comme notion philosophique. Et si je peux me permettre, c'est typiquement pavlovien. Oui. Oui, c'est de l'ordre du réflexe. Donc on voit en fait que le tour de passe-passe qui a été réalisé par les médias, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est de parvenir à ce truc complètement fou, d'arriver à dire, voilà, ce courant politique qui a existé il y a un siècle équivaut au mal. C'est la même chose. Au plan moral et philosophique, c'est exactement la même chose. C'est strictement la même chose. Évidemment, vous avez qu'à remarquer, si vous disiez le communisme, est-ce que d'après vous, elle dira que c'est le mal absolu? Non. Elle dira, je sais pas quoi, peut-être qu'elle saura même pas quoi dire, du tout, comme dans le cas du fascisme, etc., mais elle dira pas, ouais, c'est le mal absolu. Donc, ce que ça montre, en fait, c'est le conditionnement des masses depuis 1945 sur un phénomène politique qui peut être critiqué, analysé, voilà. Mais c'est la dimension absolutiste, la dimension morale et la dimension religieuse. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait, on a une société quand même très curieuse, parce que ce qu'elle dit là est tenu pour vrai par beaucoup de gens, sont des gens qui tiennent pour absolu une antithèse dont ils ne connaissent pas le détail. Ouais. Imaginez-vous de dire, quelqu'un vient vous dire, voilà, alors moi, Yves Martin, je le hais et je le combats de toutes mes fibres. C'est l'antithèse de ce que devrait être un être humain. Yves Martin, je le hais. Et quand vous posez la question, mais Yves Martin, est-ce que vous pouvez me donner une brève description de qui est Yves Martin et de ce qu'il a fait? Ah non. C'est exactement la même chose, c'est vous dire. Et alors imaginez-vous ça, moi je demande à tous ceux qui nous suivent de s'interroger, quoi. Imaginez-vous quelqu'un qui va fonder l'archétype du mal sur quelque chose qu'il ne connaît pas et qui va ensuite conditionner tout son raisonnement sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Pour moi, on est en pleine psychiatrie. Ça relève de la psychiatrie. Parce que qu'on refuse, qu'on combatte quelque chose qu'on connaît, je comprends. Mais qu'on prétende, en termes absolus, combattre quelque chose dont on est infoutu de donner même une description très élémentaire, on est en pleine psychiatrie. Et c'est ce que je veux dire. Les gens sont rendus fous par une propagande antifasciste, et aussi, en fait, parce que ça amène la suite, antiraciste, à propos de choses qu'ils ne connaissent pas. Mais ni de près, ni de loin. Mais je veux dire, en plus, vous voyez, quand on dit à cette fille-là, on lui demande, est-ce que vous avez une description? On ne lui demande pas d'être une historienne des idées, une historienne tout court, ou d'avoir quand même une conception assez précise des faits. On lui dit, voilà, mais une conception très générale. Elle peut même pas. Ça va tellement... Vas-y, Fulbert. Ouais. Ça va tellement loin que, moi, quelque chose qui me met en rogne, lorsque je regarde ce que certains écrivent sur les réseaux sociaux et parfois dans des articles, qui sont des gens qui, a priori, se réclament de notre bord, qui se disent patriotes, nationalistes, ouais, tout ce que vous voulez, ces gens arrivent, parce qu'eux aussi sont touchés, mentalement touchés, ils traitent des gens de gauche, l'extrême gauche, etc., en disant, voilà, mais l'extrême gauche, mais c'est eux les vrais fascistes. Ah oui, oui. Alors qu'en réalité, en réalité, eh bien, imaginez l'inverse. Imaginez l'extrême gauche qui traiterait l'extrême droite, non pas de fasciste, mais de bolchevique. Oui, oui, oui, oui. Tu vois, on renverse véritablement la vapeur. C'est comme si Mélenchon disait, mais regardez-les en face, on parle de Marine Le Pen, c'est eux les vrais communistes. Exactement, c'est exactement pareil. Et on voit ces gens qui se disent patriotes, nationalistes, etc., traiter l'ennemi avec le qualificatif même qui est le leur, dont ils devraient se réclamer. Oui, moi, c'est pas extraordinaire. Ils utilisent le langage de l'ennemi, tout simplement. Voilà. Ça traduit très bien ce que je pense, bon, évidemment, ce qui est depuis la Révolution française, mais ensuite avec toute une série d'autres événements à travers l'histoire de France, mais c'est vrai de toute façon d'une manière générale dans la démocratie occidentale. Hein. C'est que la démocratie amène la victoire de l'imaginaire de gauche. Et la France est régie par un imaginaire de gauche. Et l'extrême droite en France, pour même pas parler de la droite, pour utiliser des catégories que les gens comprennent à peu près, quoi. Je sais pas que je me situe personnellement à l'extrême droite du tout, hein. Je veux dire, droite, gauche, bon, c'est pour moi des catégories assez floues. Mais bon, les gens ont une idée de ce que je décris. C'est à quel point cet imaginaire régit, en fait, les esprits à droite, et même à l'extrême droite. Enfin, ce qui veut dire qu'en fait, ces courants-là n'ont pas de force en eux-mêmes, vous voyez. C'est ce qu'il faut retenir de ça. C'est-à-dire que ce sont des courants très faibles, en réalité, qui admettent, je veux dire, si ce n'est pas réflexe, ça peut aller jusqu'à l'adhésion, admettent les catégories qui viennent de la gauche, ou de la gauche révolutionnaire, ou même du judaïsme, hein, du judaïsme politique, qui les reprennent à leur compte pour essayer d'accuser à leur tour. Et on voit bien cette logique, en fait, parce que ça n'est pas gratuit quand on fait ça. Quand on reprend le langage de l'ennemi, ça a fonction à être opératif. Vous voyez, c'est pas juste un petit artifice. Donc quand on se met à utiliser la rhétorique antifasciste, il va vous falloir à un moment donné un fasciste. Vous allez devoir débusquer un fasciste. Donc si vous n'en avez pas sous la main, il va falloir en trouver un. Et vous allez aller vers où? Vers la gauche ou vers la droite? Plutôt vers la droite. Donc, quand des gens qui se prétendent identitaires, patriotes, nationalistes, machin, reprennent à leur compte pour essayer de passer entre les gouttes de la propagande et pour éviter la diabolisation, reprennent à leur compte ce type de rhétorique, très vite, on va les mettre sous le test. De toute façon, d'eux-mêmes, ils vont se sentir sous le test. Ils vont dire, il va falloir que je donne un petit peu crédit à ma rhétorique, je vais avoir besoin d'un fasciste. Et là, ils vont chercher. Et ils vont dire, et ça donne du Dupont-Aignan, ça donne du Marine Le Pen. Alors, Ossam Messia, c'est caricatural, lui, il passe son temps à essayer de trouver un fasciste pour essayer de dire, vous avez eu, hein, moi à côté, voilà. Toujours par effet de contraste, hein, visuel. Et ce qui est affreux, parce que on trouve en fait des mouchards volontaires qui se portent volontaires pour faire le sale boulot de la gauche et de l'extrême gauche. C'est tout ce que ça apporte, en fait, ce type de... Mais c'est logique, parce que l'imaginaire de la gauche l'a emporté à droite. Donc il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien vraiment d'étonnant là-dedans. Et maintenant, là, je donnerai la parole à Fulbert ou bien aux autres. On voit le même exercice qui est en train d'être opéré avec le djihadisme, si vous n'avez pas remarqué. Le grand truc maintenant, c'est ça, c'est BHL qui l'avait fait, mais d'autres l'ont fait avant, c'est pour garder, vous voyez, cette logique contre l'homme blanc, parce que le fascisme, au fond, quel est le reproche fondamental de la gauche, des juifs, de toutes ces factions contre le fascisme, en fait, c'est de l'incarnation de l'homme blanc, hétérosexuel, sûr de lui et dominateur. C'est ça le vrai reproche qui est fait au fascisme, en fait. C'est d'être l'incarnation du mâle blanc qui est libre et qui s'assume et qui s'affirme. C'est ça le reproche. face à ça, vous aurez tous les dégénérés donc, qui sont pas très à l'aise dans une société où les hommes blancs s'affirment et qui vont trouver des reproches à faire au fascisme. Bon. Mais vous avez une autre forme d'affirmation autoritaire masculine qui émerge, c'est celle des musulmans dans les sociétés occidentales, sous le phénomène de l'immigration. Et en fait, on voit les mêmes dégénérés, les mêmes juifs, les mêmes gauchistes, les mêmes libéraux, les mêmes démocrates, réutiliser la même rhétorique pour mettre tout le monde dans le même sac, si vous voulez. Alors que ce sont deux univers complètement différents. C'est pas les mêmes gens, c'est pas le même univers mental, pas la même histoire, pas la même légitimité. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais on fait de la gîte propre. Voilà. Et je voulais le souligner parce que ça aussi, c'est utilisé par certains groupes dits islamophobes à droite, comme s'il y avait besoin de ça pour diaboliser les musulmans. Je veux dire, franchement. Suffit juste de prendre les actes des musulmans, il n'y a pas besoin de nous coller le fascisme là-dessus, quoi. Bon, mais bon. Et ça en dit long. Voilà, Fulvert, tout ce que je voulais dire. Ouais, mais moi je voulais ajouter un petit truc, c'est que tout ce que tu as synthétisé, là, c'est très bien, c'est juste. Je dirais que, pour résumer, pour le mauvais réflexe des gens de notre bord, c'est qu'ils essayent, comment, montrer honnête, pur, moraux, en trouvant plus fasciste qu'eux-mêmes. Oui. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose de plus terrible, que les gens doivent prendre conscience absolument, les gens de notre bord, c'est que l'ennemi, quel qu'il soit, étranger, gauchiste, qu'il soit tout ce qu'on veut, à partir du moment où il est en face, il a gagné la bataille du discours. Oui. C'est ça notre problème. Et on doit assumer ce dont nous nous réclamons, nos particularités, nos origines, etc. Et nous ne devons pas avoir peur des mots. C'est ce que moi je pense. Parce que tant qu'on aura peur de cela, ils l'emporteront. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et... c'est la logique, en fait, de Clausewitz. C'est l'escalade aux extrêmes. C'est-à-dire que, de la même façon qu'il y a une escalade entre les forces qui se confrontent, et au bout d'un moment, il y a une des deux forces qui va s'effondrer sur elle-même, faute de pouvoir poursuivre l'escalade, c'est vrai dans la rhétorique. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le point Godwin, d'ailleurs. D'une certaine façon, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une escalade rhétorique, et il est évident que, pour les forces qui dominent l'imaginaire en Europe et en Occident aujourd'hui, comme on a fait du fascisme, qu'on a travesti le fascisme, en fait, qui est un phénomène d'ailleurs à l'origine italien, puis, qui a trouvé d'autres formes ailleurs, mais qui est à l'origine une formule politique italienne, on a fait du fascisme un diable. C'est le point de départ de la discussion avec cette gonzesse qui parle de mal absolu, mais qu'elle peut pas décrire. C'est pratique et ça permet de diaboliser. Or, par définition, nos ennemis, donc ceux qui veulent faire disparaître les blancs en Europe, pour plein de raisons, hein, je veux dire les opportunistes, les politicards, les démocrates, les convaincus, les excités, les indigénistes, tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là, de toute façon, ils veulent faire disparaître l'homme blanc. Plus vite ils montent dans l'escalade, plus vite ils sont gagnants. C'est-à-dire que, de toute façon, eux vont vers l'escalade verbale, rhétorique, contre nous. Donc les mecs vont pas s'emmerder à essayer d'être dans le détail. Eux, ils veulent vous diaboliser. C'est plus vite ils parviennent à vous diaboliser, mieux c'est. Donc c'est très pratique pour eux. Alors, il y en a qui vont dire « Oui, mais il faut essayer de ralentir cette rhétorique en essayant de montrer qu'ils ont tort. » Mais vous ne pourrez montrer qu'ils ont tort que si vous parvenez à montrer que vous êtes un blanc qui veut mourir et qui accepte de se faire remplacer par des métèques et des métèques de toutes les couleurs. C'est la seule condition qui vous rendra crédible à leurs yeux. Voilà. Et ils vous toléreront uniquement le temps de votre vie biologique sur Terre, c'est tout. C'est, au-delà de ça, ils ne vous toléreront pas. Donc, ce n'est pas un type de rhétorique qui sera porteur. C'est pas possible. Vous serez jamais gagnant avec une rhétorique de gauche, une rhétorique antiraciste, une rhétorique antifasciste. Impossible ! Vous n'arriverez pas à mystifier les professionnels du mensonge de la gauche. C'est impossible. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Fulbert. Il faut assumer les termes, la confrontation. Et quand les types vous disent « vous êtes fasciste », vous dites « oui, je suis fasciste », alors que le problème. C'est ce que je dis avec le racisme. Quand vous avez dit à quelqu'un « mais t'es raciste », il dit « oui ». Et alors, quel est le problème ? Le type n'a plus rien à faire. Il est obligé de croiser les bras et d'attendre que le temps passe. Il n'a plus de prise psychologique sur vous. Vous avez dit que vous êtes raciste, vous lui avez dit en face, le mec ne... Parce que pourquoi ces types engagent la discussion ? Ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi ces mecs débattent avec vous ? Ou discutent avec vous avec ce type de termes ? C'est pour qu'à la fin de la discussion, vous acceptiez leur supériorité. Vous acceptiez la supériorité morale de leur conception, que vous l'admettiez. Si au lieu de ça, vous dites, vous rompez la discussion en disant « Moi, je suis raciste, t'as pas besoin d'essayer de faire ton exercice de pédagogie, je suis raciste et je suis en désaccord avec toi et je te combats. » Il n'y a plus de raison de discuter. Et on bascule dans quoi ? Dans le rapport de force direct. Or, ces gens-là, tout l'objet de leur discussion consiste à essayer de vous vaincre sans rentrer dans un rapport de force direct. D'accord ? C'est de la subversion. C'est du vice. Les types veulent vous désarmer psychologiquement pour ne pas avoir à vous affronter physiquement. C'est ça le truc. Donc quand vous rompez psychologiquement en premier lieu et vous dites « Moi, j'ai rien à foutre de ce que tu me dis, je suis raciste, je suis fasciste, maintenant, si t'es pas content, vas-y, approche !» On en vient à l'essentiel. Et tous ces péteux, ils partent en courant la plupart du temps. Hein. Donc c'est ça que je veux dire. Donc on a tout à gagner en s'assumant, et rien en essayant de faire semblant d'eux. Voilà. C'est ce que je veux dire. Absolument, tu as raison, d'autant plus que certains affirment, à juste titre, que lorsque quelqu'un qui est en face de vous, qui est un opposant et qui tente d'argumenter, et qui finit par vous traiter de nazi, de fasciste et tutti quanti, c'est parce qu'il est à court d'arguments, disent certains. Et je pense qu'ils ont totalement raison. Donc, en employant la méthode que tu préconises, ça va vous donner un avantage moral, un avantage de confiance sur quelqu'un dont vous savez qu'il a perdu tout moyen d'argumenter. Il y a un autre point aussi, c'est à quel point il y a un contre-coup à la logique d'escalade rhétorique dont j'ai parlé, qui est inspirée de la logique de Clausewitz. Hein. C'est que c'est une facilité. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est dans le discours public. Comme je dis, on est baigné dans un imaginaire de gauche. Donc, pour tous les gens lambda qui se situent dans le mainstream, dans le courant dominant, en fait, ils ont toujours cette espèce de bouton nucléaire pour terminer le discours. Donc, ce qu'on avait, le fameux point Godwin, donc la réduction ad Hitlerum, on vous traite de nazi, machin. Mais en fait, c'est une facilité, c'est vrai. C'est une forme d'anathème, ça permet de vous disqualifier d'emblée dans toute discussion, mais en même temps, c'est tellement facile pour eux que ça en devient trop facile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nécessité pour eux de rentrer dans une réflexion de fond. Plus besoin d'avoir vraiment des arguments très construits. Ils se disent, oh, bon, finalement, il me fait chier, lui, avec ses idées, allez hop, nazi, au revoir, merci, j'ai réglé le débat, en fait. Tout le problème avec ça, c'est que avec des gens pareils, c'est que tout le monde devient nazi très vite dès lors qu'il y a une frustration, une contradiction, vous comprenez. Et en fait, si vous persistez, c'est une fois qu'ils vont traiter de nazi, vous persistez. Vous dites, mais attendez, oui, bon, nazi, d'accord, ok, très bien, vous me traitez de nazi, ça me va très bien. Là, sur votre argument, là, je suis pas d'accord. Moi, je le fais très souvent, ça. Hein. Même les gens commencent comme ça, c'est-à-dire qu'ils commencent antisémite nazi. Oui, d'accord, très bien, si vous voulez. Mais si vous avez dit un truc, là, je reviens là-dessus, et ça me pose problème, parce que si vous avez dit ça, vous remarquerez, vous verrez le ton baisser. Vous verrez que le ton de ces mecs-là, c'est-à-dire qu'ils commencent très fort, et derrière, il n'y a pas de répercutant. Les types baissent, parce qu'ils n'ont pas ou peu d'arguments. Face à des gens qui savent ce qu'ils sont, qui savent ce qu'ils pensent, qui savent pourquoi ils pensent, qui ont toute une série de rhétoriques, y compris dans le nazisme, excusez-moi, enfin, du national-socialisme. Niveau fascisme national-socialiste, je pense que dans notre milieu, on est quand même un peu plus versé sur ce qui s'est passé vraiment. Donc en fait, même sur ce terrain-là, en fait, ils connaissent rien. C'est très dangereux pour eux d'arriver sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas en mettant des étiquettes aux uns aux autres, vous êtes nazi, etc., sans même savoir de quoi il s'agit. Et si vous posez des questions, vous dites, attends, tu parles de nazi, définis-moi un nazi. On peut commencer comme ça, commencez juste comme ça. C'est quoi un nazi ? Exactement comme avec la nana, là. C'est quoi le fascisme ? Vous allez voir que les types vont se dégonfler. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à une rhétorique qui a beaucoup à faire, selon moi, à l'intégrisme religieux. Voilà, c'est l'anathème. Tu vois, c'est un peu comme avec les musulmans, là, quand ils disent takbir, tu vois, voilà, ils ont dit takbir, ils ont dit qu'un tel, c'est un hérétique en islam, et ils pensent que c'est fini, ils ont gagné le débat. Bah non. Et c'est la même chose. Je pense que l'accusation de nazisme, en fait, c'est typiquement l'excommunication des musulmans, mais pour la gauche, quoi. Et sauf que quand vous n'êtes pas un croyant dans les idées de gauche, bah vous n'en avez rien à branler qui vous excommunie, en fait. Vous n'en avez rien à faire. Pour vous, ça vous glisse dessus. En revanche, si vous croyez aux catégories de la démocratie, des droits de l'homme, de l'antifascisme, de l'antiracisme, évidemment, si vous traitez de nazi, vous vous sentez mal. Mais si vous êtes quelqu'un qui est totalement imperméable à ça, pour vous, ça n'a aucun effet. Et moi je pense qu'il faut prendre l'antidote, quoi. Hein. L'antidote, c'est d'assumer totalement et de manière très décontractée qui son fascisme, qui son racisme, ou qui même son national-socialisme, pourquoi pas. Hein. Mais une petite chose qui m'a fait penser, c'est que lorsque quelqu'un vous traite de fasciste ou de nazi, quelque chose comme ça, ben ce n'est jamais que la vieille expression latine des religieux, vanere tro satanas. Oui. C'est très religieux. Moi, je trouve que c'est un anathème. C'est un anathème. Donc ça veut dire, voilà, tu n'as pas ma religion, écarte-toi. Bah oui, mais bon, liberté de conscience, moi j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Hein, voilà. Donc voilà. Bah, c'est une religion, on t'accuse d'être Hitler parce que la religion officielle, c'est la Shoah. Hein. C'est, oui, aussi, il ne faut pas perdre cette... C'est un peu ça. Hein. Bah non. Oui. Eh oui. Dès que tu en arrives à vouloir faire des... vouloir classer des gens, hein, à vouloir discriminer. Discriminer, c'est-à-dire, ça veut dire faire des choix. Hein. On parlait de blablabla oui, tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est juste faire des choix. Ne pas vouloir de nègres dans ta voiture, c'est tuer 6 millions de juifs. Oui, c'est tuer 6 millions de juifs par procuration. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas un peu, oui. C'est pareil. C'est pareil, oui. Tu es coupable. Donc cette logique, en fait... Vous voyez, c'est une logique, elle est totale en fait. Vous ne pouvez pas être à 10% antifasciste. Quand vous êtes à 10% antifasciste, vous êtes à 100% antifasciste. C'est un engrenage. Et au bout d'un moment, si vous êtes. Parce que vous êtes toujours sous la pression de l'orthodoxie. Hein. On soumettra votre orthodoxie à l'épreuve. Donc si vous n'êtes pas capable de démontrer que vous êtes authentiquement antifasciste, vous serez toujours sous la coupe de l'antifascisme. Et comme vous aurez dit d'emblée que vous êtes antifasciste, vous devrez montrer votre culpabilité, vous repentir, etc. Donc vous ne pouvez pas gagner là-dessus. C'est comme avec l'antisémitisme, hein. C'est quand vous êtes un peu critique des juifs, mais pas trop en public, parce que machin, vous en faites pas, on aura toujours un moyen de prouver que vous l'êtes. Et donc il faudra en faire le double, le triple, etc. C'est comme, regardez Yann Moix, d'ailleurs, il y a souvent, c'est la négation, remarquez bien, antifascisme, antinazisme, antisémitisme, c'est toujours la négation d'eux. Hein. Et donc, il faut prouver qu'on n'est pas anti, mais qu'on est pour. Il n'y a pas moyen d'être, un objecteur de conscience dans cette affaire. C'est pas possible, ça. Et Yann Moix, quand il s'est fait gauler, voilà, il a dû mettre la kippa sur la tête chez Ruquier. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là. Il a dû foutre la kippa sur la tête. Voilà, c'est... Bon, ça passe par ça, quoi. Donc, bon, après, ça dépend où on place son amour propre aussi. Hein. Il y a des gens, ils n'en ont pas. Donc, bon, ça les dérange pas de mettre une kippa, mais... Bon. Donc, voilà, je pense que c'était la vidéo pédagogique et éducative sur l'antifascisme, dogmatique et obligatoire, comme vous le savez, en République française, et dont personne ou presque n'est capable de nous donner une définition. Hein. Voilà, bon, c'est... quand même un peu gênant. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.